Mickaël, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr. Bah, ça va en gros, t'es tout pâle. Ouais, Jack, mais bon, c'est le ramadan quoi. Bah, ouais, mais t'es pas musulman. Non, mais je suis fauché. Si les FR Miami devaient écouter une seule émission de radio, c'est une excellente question. Y a pas de doute. Y a pas de doute. Ce serait celle de Mickaël et sa bande de psychopathes. Mickaël, 21h minuit, expert en tuerie radiophonique. Oh là là, bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous. Au programme ce soir, un fricassé de volaille. Non, je rigole, hein, bien sûr. Putain, tu m'as fait peur, c'est pendant un instant, je me suis dit, ça y est, on a perdu l'animateur de cette émission. Mais non, mais non. Bon, ce soir, nous allons parler du football. Eh ouais, hier, Roux, il y a eu les tirages de la Ligue des Champions, là, avec du lourd pour les équipes françaises. Ouais, et ce soir, il y a les tirages de l'Europa League. C'est pas simple non plus pour les Français. Ah non. Ah, le foot en général, ce n'est pas simple pour les Français. Bon, on parlera aussi de la liste de l'équipe de France et de la déclaration de Domenech qui a dit « C'est décidé, je me rase les sourcils ». Voilà. Bon, évidemment, il n'a pas dit ça, on en parlera bien entendu tout à l'heure. Ce soir, voilà. On aura surtout Didier Deschamps en exclusivité qui viendra nous parler du tirage de l'OM. Oui. Bah, bonsoir, et t'as vu un peu, on a quand même de la star. Hein. Et on rigole pas. Hein. Attends, je suis arrivé ou quoi? Et à propos de l'OM aussi, on a remarqué que les Japonais étaient complètement fans de l'équipe. Marseille on Tokyo. Bon allez, on se fait péter le répondeur. Maintenant, vous nous avez laissé des messages depuis hier au 01 40 71 3400 sur des choses qui vous ont plu ou moins plu. Et on écoute et on choisira le meilleur message à la fin. C'est parti. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Salut Roux, tu te souviens de moi? Non, et pourtant hier soir, tu m'as bien fait gueuler, hein. Je vois pas comment tu peux m'oublier, hein. Oh là là, et moi aussi je t'ai fait gueuler, hein. Oh là là là là, quelle soirée de fou. Ce soir on peut remettre ça si tu veux, hein. On sent le mec qui... Tu peux m'enfoncer ton bar, et puis si tu veux, ramène ton copain Toff, on pourrait faire une belle petite partout à trois. Fin du message. Message suivant. Oui, salut Toff, c'est Gwen. Donc je t'appelais, vu que j'ai plus de nouvelles de toi, et je me suis rendu compte qu'en fait, je t'ai fait cocu. Ah bah non, je suis con, c'est toi qui me fais cocu, sale con. Fin du message. Message suivant. Force coulant pas. Tout bordel, dans la jungle, je suis pas quoi, là. En fait, pourquoi vous tournez Papa Jorin, Mick Salaire, je sais pas comment on dit. Bref, faut dire Denis Brognard. Qui vient de tourner chez nous à la Lutèce, pas longtemps, notre cap t'inquiète, c'est l'ingénieur ici aussi t'inquiète. Lui par contre dis qu'il ramène pas ses bandes au jeu là, sinon je mets dans le boule la Brognard. Vas-y les bâtards, je suis reporté, vas-y. Fin du nouveau message. En revanche, il serait bon, toi, le dernier qui a parlé, de t'acheter un téléphone. Hein, n'hésite pas à t'acheter un nouveau téléphone qui marche, avec un vrai micro. Voilà. Gagné, il s'achètera un téléphone. Ouais, mais on va pas lui offrir un téléphone. Non, c'est vrai. On peut lui offrir un stage en radio. Oui, c'est vrai. Ou alors on peut effectivement lui offrir un iPhone. Ouais, l'iPhone que le Roux va recevoir avec ses points de Bouygues Télécom. Oui, c'est vrai. Hein? C'est, t'as assez de points. Voilà. Ah oui, j'en ai beaucoup plus que ça. Bah, oui, ah, il économise. Parce que même avec les points, il est radin. Ah oui, non, c'est le hors forfait qui fait les points. Ah oui, parce que c'est vrai que le Roux n'a pas changé de téléphone portable. Depuis très longtemps, trop longtemps. Depuis que je le connais, parce que celui qu'il a, il l'a pas acheté. Ouais, il l'a reçu. Donc, ça fait bien longtemps. Bon, allez, on fait gagner le dernier là, parce qu'on n'a pas compris ce qu'il a dit. Ouais. Voilà, donc, bien. Voilà, ouais, voilà, exactement, ouais. Donc voilà. Bon, et forcément, ce soir, évidemment, c'est vendredi, ce qui ne veut rien dire, mais on va parler de ça. Eh ouais. Ah, Koh-Lanta. Le retour de Koh-Lanta ce soir avec Denis Brognard. Bonsoir, Denis. Bonsoir à tous. Oui, c'est le retour des équipes au nom pourri comme... alors, c'est quoi? C'était Toupane, Tayak, Batang et Kumo. C'est le retour des bouffages d'asticots aussi. Oui, aussi. Du grignotage de troncs d'arbres. C'est vrai aussi, exactement. C'est le retour du baisage d'indigènes. Faut toujours qu'il arrive à parler de baise. Attends, c'est Koh-Lanta. Oui, bah oui, mais enfin bon, Koh-Lanta qui pourrait aussi changer l'année prochaine apparemment. Ah bon, ce sera présenté par Mundir? Ah non, là ça aurait plus été Fear Factor. À mon avis, mais bon. On va reparler d'ailleurs de Mundir et de Koh-Lanta là. On a même trouvé une version de l'émission un peu spéciale. Restez là, ça vaut quand même le coup. Ça vaut quand même le coup d'en parler tout à l'heure. Ça sent la connerie ça. Non, pas du tout, vraiment ça peut être pas mal. Mickaël, le podcast. Bon, on en parlait également tout à l'heure, il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Hein. C'est donc le grand retour de Koh-Lanta, 17 candidats qui doivent survivre 40 jours pour gagner 100 000 euros. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, Denis. Et donc cette année, Koh-Lanta, ça se passe à Palau. Alors c'est où, Denis, Palau ? Dans une région exceptionnelle, la Micronésie. Pour ceux qui ne savent pas où c'est, je vous rassure, je ne savais pas avant d'y aller. C'est à 3 heures au nord-est des Philippines. 3 heures en avion, bien entendu. Bien sûr. Et ben comme ça, on voit vachement mieux où c'est. Oui, oui. Merci, Denis. Bah moi, ça va encore. Hein. J'ai un peu, je vois à peu près où c'est. Ouais. Par contre, moi, j'ai mis la bande-annonce de TF1 sur mon blog. Alors, on voit qu'ils n'ont pas fait l'île de la tentation cette année. Hein. Pourquoi ? Parce que toutes les tentatrices, enfin, peut-être pas toutes, mais une bonne partie, en fait, ils les ont refourguées à Koh-Lanta. Hein. Ils les ont envoyées sur l'île de Koh-Lanta. Ça m'aurait étonné que tu vois autre chose que les meufs en maillot de bain. Attends, j'y peux rien s'ils ont pris des bonnas cette année. Va voir la vidéo sur mon mais je vais aller voir, mais il n'y a pas que ça dans Koh-Lanta non plus. C'est par rapport à tes goûts que tu dis ça. Oui, voilà. Non, franchement, par rapport aux anciennes qui ont participé à Koh-Lanta, je suis désolé, là ils ont fait un effort sur le casting. Ah ouais, quand même. J'ai sous les yeux, il y a toujours eu des filles assez jolies dans Koh-Lanta. Ouais. Bon, je vais regarder après. Cela dit, dans Koh-Lanta, il n'y a pas que ça, il y a également de la passion. Que tu n'as pas voté contre ta femme, je comprends. Mais attention, fais attention, tiens ta femme. Il y a également de l'amour. Je pensais venir avec un esprit de phare et finalement je repars avec un cœur de Roméo. Qu'est-ce que c'est mignon. Et sans oublier de vrais moments de doute et de remise en question. Pourquoi je ne suis pas en plus. Putain. Éducation de merde. Aucun honneur. Aucune dignité. On avait fait une prod avec ça, je me souviens. Je sais plus comment elle allait, mais ça m'a fait marrer quand j'entendais pourquoi. On avait passé de parler de Roméo et Juliette sous mes souvenirs sont bons. Ouais. Et il paraît qu'il y a une meuf qui est floutée dans le premier épisode là de Koh-Lanta, je sais pas. C'est... Ah bon? Ouais, je sais pas. Oh, ça doit être une mauvaise. C'est la mauvaise perdante en fait. Elle a pas aimé de se faire tâche au premier épisode, je crois. Ouais, en fait, ça doit être la meuf qui se la racontait auprès de ses copines, genre ouais, moi si je fais comme Lanta, tu vas voir, je vais gagner et tout. Et donc du coup, elle a pas osé avouer qu'elle avait perdu au premier épisode. Si tu fais comme Lanta. Comme Lanta. C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est sur AB1. Il y a comme Lanta. Ouais. C'est la version pas chère. Mais il y a une rumeur aussi qui dit qu'il va y avoir un deuxième Koh-Lanta avec que des sportifs et des anciens participants. Ah ouais, j'ai vu ça. Ils parlaient de Marie-José Pérec et Stéphane Diagana. Et ils ont refusé apparemment. Ouais, Pérec, elle a dû croire que c'était pour l'espionner. Parano comme elle est. Ça, oui, ça y a des chances. Mais sinon, il y a maillot. Maillot doux. Oui, mais c'est le maillot qui est doux. C'est très bien. Non, c'est, ouais, donc, ça ira avec Koh-Lanta. Il y a Laure Manodou qui a été contacté par la prod de Koh-Lanta. Ah d'accord. Je crois que tu allais dire il y a le maillot doux qui a été contracté par la prod de Koh-Lanta. La nageuse, ouais. Justement, on a compris. On va lui demander justement, tiens. Alors merci de bien vouloir répondre à quelques questions. Alors vous allez faire Koh-Lanta donc ? Après j'ai pas pris de décision sur ce que j'allais faire. Ah bah ok, et qu'est-ce qui vous fait peur ? Peur de mal faire, peur d'être mal jugé et de décevoir aussi. Ouais, oh, c'est pas comme si c'était déjà fait. Non mais je comprends bien tout ça, c'est pas. Non mais faut pas qu'elle ait peur, hein. Je serai toujours derrière elle pour la soutenir quand elle sera en train de faire les parcours dans la boue. Mais c'est surréaliste, off. Non mais c'est leur Manodou, quoi, je veux dire. Mais elle est moche, comment tu peux. Ah non, mais non, je peux pas te laisser dire non, ça. Non, elle est pas moche, mais. Elle est pas belle. Elle est pas terrible, hein. Non, je peux pas vous laisser dire ça. Non, elle est vraiment pas terrible. T'as vraiment un problème de goût, toi. Ouais, c'est ça, du coup il va encore bouffer du chocolat. Laisse-moi manger. Mais il est perdu, il a pas son droit à côté de lui le soir. Ouais, je suis à sa place, c'est pour ça, c'est pur. Oh, ça oui, d'accord, ok, ça doit venir de là alors. Bon, on reparlera de Koh-Lanta tout à l'heure. Si vous regardez Koh-Lanta, vous trouvez ça mieux ou moins bien que les autres années, vous aimez, vous n'aimez pas en règle générale, eh ben 6-11-12, débutez le message par Mickaël. Tout simplement, vous laissez votre numéro de téléphone et vous donnez votre avis, ou alors sur mikl.fm. Voilà, et puis il y a Paolo Nutini, j'avais dit qu'on parlerait de Rital tout à l'heure, qui a eu une révélation. Pour lui, l'une des choses les plus choquantes lorsqu'on devient célèbre est la découverte de ce que les gens pensent vraiment de vous. Mais Paolo, ça, c'est beau. Nutini, ouais. C'est celui qui sortait avec Jennifer. Non, tu confonds. Non. Tu confonds avec Maxime Nucci. Ouais, Maxime rien Nucci. À voir. Ouais, enfin Nutini, Nucci, c'est pareil. Hein, c'est comme Berlusconi. C'est ouais, la même chose. C'est hein. comme Lanta et Koh-Lanta. C'est pareil. C'est la même chose. Ça fait la même chose à Toff. En devenant célèbre, qu'il a découvert que les gens le détestaient. Surtout qu'il avait une tête de con. Voilà. La vérité, quoi. Bon, et donc Paolo Nutini qui a aussi dit qu'il ne supportait pas l'alcool et que pour lui, je cite, l'alcool a tendance à rendre les gens violents, mais personnellement, ça me rend joyeux. Ensuite, ça m'endort avant de me rendre malade. Mais ouais, c'est la tête de Toff qui me rend malade. C'est pour ça que je bois, pour oublier, quoi. C'est ça. Bon, il a pas l'air de comprendre grand chose, hein, Paolo, parce qu'il a dit dans une interview encore, je ne comprends pas qu'on puisse me trouver sexy et que toutes les filles soient hystériques face à moi. Ouais, moi je comprends pas parce que je le trouve quand même relativement moche. Hein. Ah ouais, enfin ouais, tes goûts en même temps. Ouais, c'est ça, t'imagines, n'empêche, si tu lui donnes un verre avant qu'il chante, pas le Nutini, que ça peut donner. C'est dur à dire. Hein. Écoute. C'est facile. Et tout de suite, il perd de son glamour. Ouais. Bah, il a raison de pas boire, hein, ça lui réussit pas trop. Ouais, cela dit, c'est et même les musicaux, ça, ils étaient bourrés. Non, hein. Mais il faut avoir l'habitude quoi pour chanter bourré. Regarde, Renaud, il chante toujours bourré. Mister Renaud, Mister Soulard. Oui, il le dit sans problème hein, d'ailleurs. Il y a Amy Winehouse aussi, c'est pire. Bravo, t'as dit le nom sans tromper. Ouais, t'as vu? Pas mal. Mais je le dirai pas deux fois. Ouais, je te confirme. Ouais. Elle, en fait, il faut qu'elle soit bourrée. Hein, si elle a pas pris au moins 10 rails de coke, sinon elle chante pas. Ouais, ouais, ça c'est mais vrai. Si tu mets Renaud, Amy Winehouse et Pete Doherty, tu peux faire une comédie musicale. T'appelles ça les 10 commandos bar. Bon, on va rester dans le bourré maintenant. Ah, on va parler de Jean-Louis Borloo qui a décidé de lancer une mixtape. C'est le meilleur discours. Ouais, et bah c'est presque ça. Dans les années 70, en fait, les mecs faisaient de la musique sous ecstasy. Et bah aujourd'hui, en fait, ils chantent sous alcool. Et hein, c'est quoi cette connerie? Bah en fait, c'est le premier album entièrement fait par un mec bourré. D'accord, hein, et c'est quoi comme style de musique? Bah, des chansons d'enfants, ou des comptines, enfin des trucs. Et ça marche ce truc? Bah écoute, c'est pas encore sorti, mais on écoute, hein, on va voir si ça fonctionne. C'est Papa Fraca qui sort son premier album, Papa Fraca. Papa Fraca, son premier album. Un CD inoubliable, que même si t'es raide défoncé, tu pourras jamais l'oublier. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je lui arrache les yeux. La souris, elle crie, la souris, elle gueule, et je lui écrase pour lui faire fermer sa gueule. Oh, papa aussi a fait un petit rot. Le CD qui te rassure, si toi aussi tu gères moins bien la bière de trop à 3h du mat. L'araignée gypsy. Elle a chassé la pluie. Oh, c'est bien, elle l'a fait vite aujourd'hui, dis donc. Allez, dodo maintenant. Papa Fraca, le premier CD qui sent le vomi. 3, 6. Non. 3. Oh. Fais dodo, cola du petit frère. Fais dodo, t'auras du bédo. Du lolo, pardon. Lolo. Papa Fraca, l'album qui te met minable. Si t'es gentil, papa te mettrait un petit peu de bière dans ton biberon. Maintenant, faut dormir. Avec la participation des laboratoires Confessions Intimes, section Picardie. Mickaël, le podcast. Bon, allez, place au jeu des amis maintenant avec Jérôme qui est là. Bonsoir Jérôme, bah Gling. Salut Mickaël. C'était une bonne réponse, Mike, bravo. Ouais, je sais bien, je sais bien. Comment ça va Jérôme? Ça va bien et toi? Écoute, ça va plutôt bien là, c'est le week-end, Paris va perdre. Allez l'Alsace, Mulhouse, Riedisheim, le Oui Roi. Julien. Julien il s'est perdu. Ah oui, il est au taquet hein. Tu viens d'où? Tu viens d'Alsace Jérôme? Non pas du tout. Ah bon bah tu vois, en plus il s'est gouré cet idiot. C'est complètement con. Je suis d'origine de la Corrèze. Ah ouais, donc rien à voir avec l'Alsace alors hein. Voilà. Vraiment, on l'a beau chercher. Non. Même si on déplace le départ. Non, ça rentre. Quel casse-pied, c'est épuisant. Oui, enfin bon, en même temps, Julien, enfin un texte en l'occurrence, texte, mais oui, non mais Julien qui est passé tout à l'heure. Et Julien qu'on retrouvera d'ailleurs hein, dans le question pour une réponse, qui reviendra lundi, puisque ce soir c'est le grand retour de Jean-Claude. Ah. On va voir si ça s'est bien passé pendant les grandes vacances, Jean-Claude. Ah, oh, il a dû se faire démonter lui. Ah oui, il y a des chances. Bon alors Jérôme, 27 ans, on va donc jouer au jeu des amis maintenant. Yes. T'es prêt? On va donc appeler des amis à toi pour voir s'ils te connaissent vraiment bien. Est-ce que t'as un Facebook d'ailleurs? Un Facebook, oui. Oui? Oui, oui. Combien d'amis tu? Pardon? Combien d'amis as-tu sur ton Facebook? Oula, je sais pas, une cinquantaine. Bon, ça va, c'est pas trop nombreux. Ouais, normal. Une cinquantaine, ça va. D'accord, bah c'est bien. Ah bah oui, c'est bien, Tex, hein, oui. Bien. Bon, alors Jérôme, on appelle qui? Vincent, Béatrice ou Virginie? Virginie, très bien. Bon, on va l'appeler maintenant. On y va avec nos candidats maintenant, attention. Allez, attention, c'est pas quoi, mais on y va. Allez, on l'appelle. S'il répond correctement à 6 questions sur 10, ce sera gagné. Question à ton D'accord. sujet, bien sûr. Dans quel état t'étais? Moi, je vais plutôt bien. Hein. Est-il? Oui. Allez, on se fait un bon resto. Oui, allô? Bah, c'est pas mal, ouais. Allô, Virginie? Oui. Salut, Virginie, c'est Mickaël. Oui. T'es en direct à la radio sur Énergie, tu vas bien? Ouais. Bon, tant mieux. Tiens, il y a Pierre sur le chat via la webcam qui dit « Roux, ton maillot est moche ». Oui, d'accord. Il est très beau, je t'aime bien, Pierre. Beaucoup de gens s'inquiètent pour savoir si tu es malade, si tu as la varicelle. Ah non, tout va bien. Ah bon, bah, tant mieux. Bon, Virginie, alors, on va jouer au jeu des amis avec Jérôme. Tu connais Jérôme? Oui. Très bien, on va te poser 10 questions à son sujet. Si tu réponds correctement à au moins 6 d'entre elles, vous repartez tous les deux avec des cadeaux. D'accord. Si tu sais pas, tu zappes, enfin tu passes, hein, c'est considéré comme une mauvaise réponse. Ouais, je peux passer. Oui, il faut répondre du tac au tac et bah voilà, hein, je crois que tout est dit là. Bien, bonne ambiance, ça Allez, va. Bah, bonne ambiance, ça va, on y bon. On y go, vous êtes prêts? C'est parti, oui. Attention, première question. Quel métier aimerait-il faire dans l'absolu? Je passe. Ambulancier. Eh ouais. S'il était un légume, il serait quoi? Une carotte. Oui, bonne réponse. Alors, attends. Pourquoi une carotte, ouais. Jérôme? C'est sexuel? Comment ça sort? Oui, ça exactement. Oui, ah, c'est sexuel, oui. Donc tu aimes bien les grandes et fines. Voilà, ouais, je suis porté sur la carotte, en fait. D'accord, ok. Et toi, Virginie, t'es qui par rapport à lui? Je suis une amie, une voisine. Une amie d'enfance. Une amie qui joue avec la carotte. Ouais. De temps en temps. Très bien. Non, c'est souvent chez lui. C'est souvent que vous jouez à la carotte. J'ai l'impression d'être sur TF1 ou France 2 à midi. De quoi? Tu fais des sous-entendus. C'est souvent que vous jouez à la carotte. Quelle horreur, mon dieu. Bon, cela dit, gagne bien leur vie. La question coquine. La question coquine. Ouais. Hein, mais t'aimerais bien te payer ça pour dire la question coquine. Pas de problème. Avec son maillot. Avec son maillot à petits pois là. Hein. Bon, allez, question suivante. S'il était une loi existante ou pas, laquelle serait-il? Je passe, je sais. Alors, on va encore faire une pause. Hein. En fait, je me demande pourquoi est-ce qu'on met un chrono? Oui, parce qu'il faut le respecter. En fait. Jérôme, t'es complètement con quoi? Pourquoi? S'il était une loi, laquelle serait-il? Interdire la mini-jupe. Mais c'est un scandale. Mais c'est toi qu'il faut pendre. Enfin, mais pourquoi? Pourquoi tu veux interdire la mini-jupe? Enfin, et les filles ont le droit de s'habiller comme elles veulent. Mais oui, d'ailleurs, moi je serais. Non, mais quand elles ont 15 ans, s'il te plaît, qu'elles en ont une à la moule, non? C'est vrai, il a raison. Ouais, ouais, trop jeune, d'accord, ok, mais après. Mais c'est pas une moule à cet âge-là, c'est. Ouais, voilà. Après, je sais pas. C'est clair. C'est un minou. Non, oui, aussi, oui, effectivement. Oh, Michel rigole, hein. Oui, il faut avoir une certaine connaissance en crustacés. Ouais, ça doit être ça, ouais. Bon, allez, question suivante, on va y aller, sinon on va y passer la nuit. Quelle est sa pire honte de sa vie? Sa voisine. Non, par exemple, non. C'est pour ça qu'il va la niquer en cachette. Non, c'est une gamelle en rentrant dans un bar bourré. Alors, quel est le pire cadeau qu'on lui ait jamais offert? Fais attention, il vient peut-être de toi. Non, une salopette. C'est ringard, une salopette. Une salopette en tout cas. Quel est le prénom de sa mère? Dolores, bonne réponse. Ah, c'est joli. C'est pas très beau aussi. Ça va encore. Et la tienne, elle s'appelle comment? Valérie. Qu'est-ce qu'il ferait s'il croise. S'il croise sa meuf avec quelqu'un d'autre dans la rue? Il la tape. Oui, effectivement, il fout sur la gueule du mec, hein, bonne réponse. Alors, attention, je continue au niveau des questions. Quel est son dernier rêve? De faire une partouze. Une julienne de légumes, alors, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Non, il a rêvé de serpents tout autour de lui. Est-ce que ça a un rapport avec les carottes, long et fin? Ouais, aussi, oui. Je crois que le serpent, ça a une signification. Ouais. Ouais. L'argent, je crois. Trahison. Ah, trahison, eh ben, très bien. Je suis pas médecin, moi, mais bon. Ouais, ouais, ouais. Bon, autre question. Il préfère avoir une jambe en bois ou deux jambes en bois? Une jambe. Une jambe, eh ben non, deux. C'était pas ça la question, tu t'es trompé. Non, c'est ça la question. Tu préfères avoir une jambe en bois ou deux jambes en bois? Réponse, deux jambes en bois. Il me faut trop rire les deux. Là. Voilà, bon alors attention. Qui gagne si un écureuil se bat contre un cochon d'Inde? J'ai pas entendu la question. Ah pardon, je répète. Qui gagne si un écureuil se bat contre un cochon d'Inde? J'en sais rien, je sais pas. Bah dis au hasard, t'as une chance sur deux. La dinde. Ah bah non, c'est l'écureuil. Ça nous fait 7 mauvaises réponses et 3 bonnes. Je ne vous félicite pas. Oui, comme tu dis, oh merde. Oh mais les questions aussi, c'est quoi? Mais c'était extrêmement simple. Oui, surtout la dernière, je pense que c'était la plus facile. Bah, on te demandait pas la réponse à la question, on te demandait ce qu'aurait répondu ton voisin. Non, là c'est bon, finalement je connais pas toi. Surtout qu'il t'a pas aidé parce que pour la question entre deux ou une jambe en bois, ouais, non mais c'est le seul monde qui répond deux. Tu préfères être mort ou vivant? Mort. Non, c'est beaucoup mieux. Écoute, bon, pourquoi pas. Comme bon, quoi, gros bisous. Jamais vraiment son plan cul. Non, mais ça c'est sûr. Hein. Bon, enfin, surtout son fuck friends. Ah, ils ont pas répondu. Hein. Non, bon, mieux pas, non. Allez, gros bisous tous les deux. Passez un bon week-end et on va vous filer des capotes. Hein, ça pourra vous servir. Merci. Ok. Allez, gros bisous. À bientôt. Salut. Ça. Si vous voulez jouer au jeu des amis, salut Virginie, salut Jérôme. 612, débutez le message par Mickaël et puis vous mettez ami avec prénom, âge et numéro de téléphone. Voilà. Que drève, les gars, tout au bing. Voilà, c'est du portugais. Alors, tous les soirs, il va faire des vannes communautaires. Il a pas fait une vanne communautaire, il t'a parlé. Oui, non, mais il m'a pas parlé. Il le fait exprès. Justement parce que je suis portugais, il se fout de la gueule. Mais non, il s'adresse à toi. Portugais aussi en plus. Tex. Pas sûr. Non, parce que sinon je crois qu'il est suisse. Sinon, je vais vérifier. Sinon ça ferait tèche. Ouais, je vais vérifier. Se prononce. Donc forcément. Bon, retour du jeu des amis, bien évidemment, lundi à partir de 21h. Merci messieurs. De rien. Mickaël, le podcast. Reparlons également de ce qui est diffusé ce soir là. On en parlait aussi tout à l'heure d'ailleurs de la prochaine session donc de Koh-Lanta qui devrait réunir des anciennes gloires du sport. Alors bon, c'est normal, hein, au bout de 10 ans, le programme commence un peu à s'essouffler. Bah, ils sont obligés de trouver des nouveaux trucs, hein, pour garder les téléspectateurs. Ouais, donc c'est ça quoi. Ils pourraient essayer de faire Koh-Lanta dans les régions de France par exemple. Ouais. Bon, c'est pas top au niveau de l'aventure, hein. Tu rigoles, vas-y, essaie de survivre 40 jours dans le Nord-Pas-de-Calais, vas-y. Ouais, voilà, c'est ce que je disais, ouais, Nord-Pas-de-Calais, laisse tomber, ouais. Bah, c'est vrai qu'un Koh-Lanta spécial tourné dans les Alpes, ça pourrait le faire. Non, non, ouais. non, ça peut pas le faire du tout. Alors, déjà qu'on n'a pas eu l'île de la Tentation, alors si en plus c'est pour les mettre en doudoune, aucun intérêt. Bon, par contre, ce qui pourrait être sympa, hein, c'est Koh-Lanta en région PACA. Hein, on a essayé d'imaginer ce que ça pourrait donner d'ailleurs, écoutez ça. Après Koh-Lanta Nicoya, Koh-Lanta Palawan et Koh-Lanta Vanuatu, cette année TF1 vous présente Koh-Lanta PACA. Oh putain, je vais les dérouiller tous M-Bang. Sous des températures insoutenables, nos candidats devront s'affronter dans des épreuves éreintantes. Bienvenue dans Koh-Lanta PACA. Nous voici dans cette première épreuve de Koh-Lanta PACA. C'est la traditionnelle épreuve de dégustation. Devant vous, le fleuron de ce que les habitants de la région ont l'habitude de manger. Bah, c'est quoi ce truc dégueulasse là? C'est tout visqueux. On dirait que c'est vivant. C'est pas possible, ils peuvent pas nous faire manger ça. Ça, c'est de la bouillabaisse. Si le goût vous rebute, vous pourrez toujours le faire passer avec le pistou. Rassurez-moi, Denis, votre pistou là, c'est pas ce truc vert qui a l'air d'avoir déjà été vomi. Koh-Lanta PACA, c'est aussi de toutes nouvelles épreuves, bien plus dures à vivre que de simples duels physiques. Ceci est une épreuve d'endurance. Le but est d'écouter la conversation d'un habitant de cette région tout en gardant votre calme. Le dernier qui flanche remporte l'épreuve. Bon, laisse tomber, c'est même pas la peine. Avant ça, voici une épreuve qualificative. Sur base du sport local de référence... Oh putain, c'est bon là! Je vais tous les prendre au football! La pétanque! Ah, tu vas moins la ramener là! Vous aussi, je pense! Je vous rappelle que ce sport se pratique traditionnellement après avoir ingurgité des hectolitres de leur célèbre breuvage jaune. Cette année, c'est sûr, votre émission préférée, ça va être la régalade! Koh-Lanta PACA! Voilà. Ah, ça peut être chaud quand même. Ouais. Ça reste un peu moins glamour qu'il s'est passé sur une île vierge, mais bon. Ah, c'est vrai qu'à Marseille, à part la bonne mer, il reste plus grand chose de vierge. Hein. Oh. Bah, mais c'est qu'est-ce vrai, que t'as hein. Avec ton maillot là, à petit pois là. Ouais, le maillot à petit pois, il est beaucoup mieux que leur maillot à rayures. À losange. Je préfère le losange. Je crois que t'as pas vu leur maillot. Bah alors, c'est l'OSA. Ouais, je crois que vraiment pas vu. Ça ressemble à rien. Ouais, mais bon. Il y aurait écrit rien sur le maillot que. Vous tenez la main. Hein. Non, tu l'as pas vu le maillot de Marseille. Bon bah j'irai voir alors, il y a pas de souci. Bon au niveau des meufs. Bon, on a fait un tour tout à l'heure. Oui, bon, c'est pas Non, si c'est mieux que les autres années, je suis non, désolé. Non, c'était il y a un par vrai contre, effort. Au niveau de Denis, il y a rien qui a bougé hein. Non, bah c'est toujours le même. Hein. Non, ça par contre au niveau de Denis, ça n'a absolument pas bougé. Denis qu'on va retrouver ce week-end si je ne m'abuse, il y a le Grand Prix de Formule 1 de Spa-Francorchamps, je crois que c'est lui qui le commente. C'est pas vrai? Oui. Ah bon, bah dis donc alors. Bah tu vois la meuf qui est là. Le problème c'est qu'on connaît pas encore les noms évidemment. Bon, ça va. Ça va. Attends, non, ça t'as le son ou pas, Jack? En fait, non, je t'ai fait une tofferie. Oh merde, c'est le son du foot que t'as? Je peux avoir le son du foot si tu veux. Non, mais je m'en fous, je voulais le son de Koh-Lanta là. Merde. Oh là là. Non, non, non, non, ça va pas, je la regardais de loin. Non, mais quoi, t'aimes bien, hein? Non, elle est pas géniale, mais franchement, elle est mieux que ce qu'il y avait les autres années. Hein. Ah ouais? Ouais. Bon, d'accord, ok, bah alors si tu le dis, y a pas de problème. Bon, intermède musical. Si j'avais une queue, elle me ferait bondir, petit. Envoyer un ballon jusqu'au ciel. J'en serais si fier que jamais je ne la laisserais tomber. Je la balancerais, elle pointerait vers le soleil. Ma queue serait grande, puissante et jolie. Tout fluet violette aussi. Et tout le monde dirait qu'elle n'a pas son pareil. Si j'avais une queue comme mes amis. Oui, bah alors je tiens à rappeler également pour ceux qui viennent de débarquer et qui se disent « Ah, je reviens de vacances, ils sont de retour, c'est cool, mais qu'est-ce qui nous passe comme musique bizarre ?» Donc c'est juste dans Winnie l'ourson, hein, le dimanche matin. Et encore, ça c'est, je crois que c'est la version la plus soft de ce qu'on a entendu. Ah oui, parce qu'il y en avait d'autres, hein. En fait c'est tout le dessin animé, hein, tout un épisode où ça ne parle que de queue à 7h30 du matin pour les petits-enfants. Donc il y a par exemple ça. Je ne suis pas sûre que la queue fonctionne. Voilà, donc là on peut se dire bon la queue fonctionne, on sait pas très bien ce que c'est, sinon il y a ça. Je pense quand même que ce serait drôle d'avoir une queue, mais je crois que tout ce que vous faites avec votre queue, je sais aussi le faire. Voilà, il y a ça aussi. Je suis pas sûr de m'avoir permis d'essayer ta queue, Bourriquet. Je regrette, elle n'est pas faite pour moi. Mais je suis sûre que cette queue est parfaite pour toi. Elle n'a pas grand-chose d'une queue, mais elle est toujours là pour assurer mes arrières. Si c'est pas le meilleur, on en est pas loin en tout cas. Bon, et le petit dernier avant de partir là, enfin avant de partir, on va pas se barrer tout de suite, hein, mais bon. Et donc le sang, le roux mange. C'est mon gâteau d'anniversaire. C'est ça. Juste, je voulais juste dire que le son de la chanson. C'est pas vrai. Sur le site. Waouh. Wow, sur le blog de Sandro. Non. Dans les inclassables. Ah, dans les sons, et puis vous allez sur les inclassables. D'accord, ok. Bon, et puis le dernier, hein, hop là, c'est celui-ci. Alors, vous préférez la queue de rechange ou la queue de bourriquet? La queue de bourriquet. La queue de bourriquet. Les deux. Je ferais bien d'avoir une queue de rechange. C'est pas celui-là? Je perds toujours la mienne. Mais si tu veux m'emprunter celle-là, c'est avec plaisir. Merci, bourriquet. Je serais très heureuse d'emprunter ta queue. Non, mais attends. Semble convenir parfaitement. Mais qu'est-ce que ta queue sait faire exactement, Bourriquet? Elle a pour fonction de chasser les mouches au loin. Voilà. C'est fini, mais attends, mais oui, c'est terminé. Parce que, à la limite que. C'est dur hein, pendant qu'on mange. Hein. Ouais, c'est pas facile. À la limite, tu te dis, bon, c'est une vraie histoire de queue, tu vois, la queue que t'as derrière le au niveau des fesses, oui, quoi. Oui, voilà, oui. Enfin, qu'on a sauf, plus, mais. Sauf que même si tu te dis ça, ça a aucune logique ce qu'il raconte. Oui, mais c'est ça en fait. Je dis si, parce que la queue de Bourriquet, elle est clipsée. Bah oui, normal. Ah bah oui. Et il peut la déclipser. Waouh. Ah oui, bah voilà. Donc oui. Non, qu'est-ce qui s'emmerde avec une queue pour le coup? C'est ça, il y a qu'à l'enlever. Hein. Non, ah mais oui, pour chasser les ça mouches. Ça dépend parce que t'as certains animaux. Enfin, certains animaux. C'est bien d'avoir une queue derrière parce que du coup, si elle est bien musclée, tu peux t'asseoir dessus. Oui, mais il y en a pas beaucoup des animaux. Ah, non, ça, je te comprends. Non, ça c'est sûr. Michael, le podcast. Bon, et je vous avais dit tout à l'heure qu'on aurait normalement des nouvelles de Silvio Berlusconi. Là, il avait encore fait de la merde, je sais plus quand là. Il avait vraiment fait de la merde hein, sur le coup, puisqu'apparemment il aurait réclamé 1 million d'euros de dommages et intérêts, je sais pas quoi là. Bon, Silvio, vous êtes là ou pas? Allô, Silvio. Silvio. Alors, ça n'a pas l'air de bien marcher. Ah si, t'es occupé. Ah, vous êtes là, Silvio? Si. Eh ben, moi, qui c'est? Ah ben, c'est Mickaël. À la radio, énergie. Oui, comment tu vas? Ben, ça va bien, et vous? Bon, ça va, tranquillement. Hein. Bon. Je passais par là, pour voir mon ami Nikos. Ah, ben, je savais pas que Nikos était votre ami. Là. Ben, ça tombe bien, cela dit, hein, que vous soyez Silvio Berlusconi. Enfin, que vous ayez eu l'amabilité de décrocher le téléphone, en fait, surtout. Parce que on a plein de questions à vous poser, Silvio. Ouais, ben, faites attention à ce que vous dites, hein, sinon je porte plainte. Ben, enfin, on vous reçoit gentiment et vous voulez porter plainte contre nous. Vous êtes gonflé, quand même. Bah, c'est pour rire. Je suis l'homme le plus drôle du monde, non? Oui, enfin, vous avez quand même porté plainte contre la Repubblica pour diffamation et vous avez réclamé 1 million d'euros de dommages et intérêts. Bah oui, moi c'est sympa, c'est comme ça, l'Italie. Il publie un article, ça me plaît pas, je porte plainte, hein. Ouais, enfin, on a aussi dit que la mafia russe a infiltré le gouvernement italien. Bah, la mafia, ça fait partie de notre pays. C'est comme le racket, le vol, l'escroquerie et l'assassinat politique. C'est que c'est nos coutumes. On va pas supprimer les fondements de notre société pour faire plaisir aux Français, hein. Mais, enfin, mais c'est grave, là, Silvio, quand même. Moi non, mais c'est comme ça, je suis un des hommes les plus importants du monde. Je ne peux pas laisser des petits journalistes parler de moi comme ça. Il fut un temps, je les avais fait descendre. Oui, enfin, vous avez aussi porté plainte contre d'autres journaux. Oui, le Nouvel Observateur chez vous en France, et un journal espagnol, El País, là. Je vais porter plainte contre la terre entière si je veux. Je suis un peu comme, tu sais, je suis un peu le Jules César. Oui, enfin bon, vous enflammez pas, mais bon, il y a votre femme aussi là qui fait l'actu là, apparemment, non? Oui, mais la pute, elle veut divorcer. Je lui ai dit que j'en trouvais une autre pour lui faire le ménage, elle m'en fout. Bon, hein. Silvio, vous insinuez que les femmes sont bonnes qu'à faire le ménage? Non, c'est pas ça, elles servent aussi pour le sexe, mais attention, je préfère être très très jeune fille pour le sexe. On a bien compris. Bon, vous étiez où en vacances, Silvio, alors? Bah, j'étais avec Nicolas Sarkozy, votre président, là. On a loué une île et on a fait venir des poutes et on s'est amusé comme des fous. Ah, c'est pour ça qu'il va repartir en vacances? Bah oui, tu sais, le peuple, on s'en fout, on est tellement puissant qu'on fait ce qu'on veut, les filles nous attendent. Ah, et pour le film Vidéocratie, là, qui est une critique contre votre empire médiatique, là, certains disent que c'est vous qui aviez fait en sorte que la bande-annonce ne soit pas diffusée sur la RAI. Mais pas du tout, la liberté de la presse est respectée en Italie, c'est le seul pays d'Europe où c'est le plus important, hein. Ah oui, bah enfin, vous écoutez, on dira pas, et surtout on dirait que vous êtes un saint. Bah, je suis presque un saint, mais j'ai des envies d'homme, hein. Ouais, enfin, c'est vrai que vous avez payé des escort girls 2000 euros chacune pour vous tout seul. Après tout ce que j'ai fait pour le monde, ce n'est qu'un détail. Pardon, et vous avez fait quoi pour le monde? Moi, c'est pas à moi de le dire, après on va dire que je suis de la prétentieuse. Mais non, Silvio, là, jamais de la vie, là, on vous aime bien, nous. Et puis, donc c'est faux quand la presse italienne vous reproche d'avoir promis une place de députée européenne à une jeune femme en échange de faveurs sexuelles? Moi, c'était pour rire, je n'ai pas besoin de ça pour les femmes, je suis tellement beau, et puis nous, les Italiens, on aime séduire. Si je vous comprends bien, vous êtes une victime, quoi. Exactement, je suis... une victime. Vous savez, en Italie, on n'aime pas quand les gens réussissent. Alors ça provoque des jalousies. Et comme je suis l'homme le plus célèbre de l'Italie, c'est pas grave, c'est comme ça, l'Italie, c'est sympa. Bon, et la rentrée, Silvio, ça se passe comment, alors? Bah, très bien, je vais en profiter pour faire un tour des écoles. Non, mais on sait jamais si j'ai des nouveaux enfants. Oui, enfin bon, il merci. Faut leur trouver une école. Oui, oui, après, bon. Après, si je cherche, je la trouve, ma prochaine femme, c'est bien. Oui, c'est ça. Bon, merci d'être venu, Silvio, hein. Moi, c'est avec plaisir. Oui, oui, il est gentil. Dis-moi, tu n'as pas une petite nièce, là? Ah, si, mais... Ah, enfoiré, va. Excusez-moi, si. Mais quand même. Tu m'as dit si. Quoi? Quel âge elle a, petite? Ça vous regarde pas. Ah, bah, attends. Elle a 9 ans. C'est moi. 9 ans? Ah, dans 2 ans, tu lui donnes mon numéro. Ouais, c'est ça. Et même pas en rêve, espèce de pervers. Bon, au revoir, Silvio. Il est pas pervers. Au revoir, Silvio. J'aime les choses, tout. C'est ça. Au revoir, Silvio. Hop, là, je vais raccrocher au nez. Ah, il m'a vénère ce soir. Refroidi, con alors, c'est sur Alice quand même. Bon, il a encore fait de la merde, quoi. Bah, Silvio, quoi. 1 million d'euros? Oui, bah oui, mais en même temps, c'est Silvio. J'aimerais bien qu'on parle de moi dans le journal, comme ça. Hop, je porte plainte. Ouais, mais je suis pas sûr que tu puisses réclamer 1 million. Ouais, même si on dit du mal, en plus. Ouais, il faut qu'on dise du mal. Tu peux porter plainte en diffamation si on dit du bien de toi, tu crois? Ah bah non. Ah c'est pas vrai, non je suis un vrai connard, ouais, et là vous dites du bien. Ça pourrait être drôle à faire, ça. Ça pourrait être très drôle à faire. Bon, on parlait de Koh-Lanta tout à l'heure, là il y a José qui est là maintenant de Draguignan. Salut à toi José, comment ça va? Hello, ça va bien. Bon, bienvenue, tu voulais réagir toi par rapport à Koh-Lanta? Je pense que tu es poursuivi par la police. Oui, fais attention, range-toi sur le côté s'il te plaît. Hein. Je veux me ranger, non mais voilà, moi je voulais dire, j'ai vu le teaser pour la nouvelle saison. Ouais. Je suis dégoûté. Pourquoi? On dirait que c'est l'île de la tombe. En bootleg avec Secret Story, quoi. Tu vois, je te l'avais dit. En bootleg avec Secret Story. Ah, mais non, mais c'est un mix des deux. Il manque plus qu'à lâcher Toff là-dedans. Il devient fou, lui. Ah, mais moi, je saurais plus où donner de la tête. Hein. Ouais, c'est ça. Attends, mais rien que le teaser, quand tu les vois se rouler dans la boue et puis se caresser partout, enfin, il y a un moment, tu prends le teaser. Ah, ça se caresse, j'avais pas vu. Tu l'as vu ce passage où en fait, ils doivent aller, ouais, c'est ça, ils doivent ramener de la boue et en fait, t'as la meuf, en fait, elle enlève, tu sais, elle se frotte pour faire descendre la boue et en fait, elle enlève son maillot en même temps. Ouais, ah non, c'est pas ça, vu ça. Il les remonte plusieurs fois, il se couche dans tout. Je trouve que ça devient n'importe quoi. Autant les premiers là, avec Tony, moi j'étais grand fan. Ah, Tony. Ah, Tony, ouais, ah, non, Tony. Voilà, ça c'était du Koh-Lanta. En plus, ici ils nous mettent des sportifs. Qu'est-ce qu'il y a comme attends, défi attends, avec des attends, sportifs attends, attends de voir sur la longueur, là tu juges à peine sur un teaser. Ça se trouve, ce serait une superbe édition. Oui, c'est ça, c'est le début, on peut pas savoir après. Dès la première, tu pouvais pas être fan de Tony, tu vois. Non, mais ici, avec le teaser, t'as juste envie de leur mettre un billet dans le string. Hein. Mais c'est ça. On t'entend mal, Tof. Non, je dis, tu dirais un peep show, quoi, le truc. Bah oui, bon, non, mais. Il y a quand même une grosse différence, hein. Pardon ? Je dis, il y a quand même une grosse différence. On est loin du je vais manger des fourmis et des larves. C'est Bah oui, mais c'est ça qui mais peut être drôle début. Aussi. Ouais. C'est le début. Va, elles vont s'endurcir. En plus, Brognard, il a dit que la moitié des trucs, ça se passerait dans l'eau. Ils allaient avoir des t-shirts blancs sans parce que bien. Regarde là on regarde en direct et ils sont dans la forêt et tout ça et ça a l'air tendu, ils sont tous en string en maillot. On dirait la forêt de Fontainebleau. Non mais c'est énorme parce qu'ils sont là en maillot, les autres ils sont en short et tu sais ils font semblant d'être dans la forêt en train de galérer pour trouver à bouffer. Et ce qui est drôle c'est qu'il y a un mec qui a une machette. Une machette normalement c'est pour débroussailler devant toi. Sauf que tout est déjà débroussaillé puisque le caméraman est passé avant. Il a quand même mis un coup, tu sais, histoire de dire je suis Indiana Jones. Bah, vous êtes relou, moi je trouve que c'est la meilleure émission de télé-réalité qui existe, Koh-Lanta. Oui mais ça veut pas dire que c'est le top du top, ouais, c'est Lucas, moins c'est mauvaise. Pas le délire, quoi. Ça s'appelle Koh-Rohr. Ah putain, la déco est belle. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il fait là, casser son arbre là? Ouais, en plus, il fabrique sa tente. En plus, c'est pas bien pour l'écologie. Ouais, ouais, bon, enfin, casser un arbre, c'est pas dramatique non plus. Hein, mais... ouais, enfin, on casse rarement un arbre, on le coupe. Hein. Cela dit, oui, enfin, bon. Oh là là. Cela dit, l'eau est jolie. Hein. Ouais, ça a l'air vachement bien. Putain, l'eau est sympa. J'ose pas imaginer toutes les bêtes qui traînent là-dedans. C'est où? C'est à 3h des Philippines. C'est pas mal. Ouais non mais c'est sur la droite donc c'est vers l'est par rapport à Thaïlande et tout. Ouais ça doit être joli par là c'est sûr hein. Jamais été. Micronésie. D'accord. Ah non ça le cadre il est joli hein. Ah bah le cadre est très joli même hein. Ça, c'est quand il pleut ils sortent le Tahiti douche hein, ça. Des moments particulièrement intenses dans une région exceptionnelle, la Micronésie. Pour ceux qui ne savent pas où c'est, je vous rassure, je ne savais pas avant d'y aller. C'est à 3 heures au nord-est des Philippines. À nord-est. Voilà. Ah oui, donc c'est vraiment vers l'Australie quasiment en fait. Hein. Très bien. Bon, et bah écoute, merci pour le coup de gueule, hein, José. Hein. Ah ben écoute, il n'y a pas de quoi. Hein. Si on peut faire passer le message au TF1, moi... Ah, tu reviendras dans 5 semaines, tu nous diras si c'est toujours aussi pourri. Voilà, on verra. Ouais, si t'auras peut-être changé d'avis d'ici là. Et on en a pris pour combien de temps là de Koh-Lanta? Ah bah là, il y en a pour 5 semaines. Hein. Il y a 17 candidats, ils terminent à 2. Donc, ah oui, non plus, oh là là, j'ai dit de la merde. Donc, bah, le côté positif, c'est que moi, cette saison-ci, ça va pécho dans tous les coins. Hein, ça va. Ah oui, il va y avoir un peu de cul, je pense, ouais. Mais TF1, ils sont partis là-dedans, hein. Secret Story, Koh-Lanta, les deux ensemble en plus. Ah, Secret Story. Ouais, en ce moment, ils sont fort portés sexe. Hein. Ouais, bah, ils manquent d'audience. Bah, ils manquent d'audience. Ça doit être ça. Bah, ouais, je te confirme. Le patron de TF1 a dit que Secret Story, c'était le punk de la télévision. Ouais, bah, t'as raison, ouais. Ouais, quel punk, putain. Bon, José, merci à toi d'être passé, tu reviens quand tu veux, ok? Ok, ciao. À bientôt, ciao à toi, José. Mickaël, le podcast. Bon, et puis, info maintenant. Bon, on va pas dire... Ça va, Roux, attendez, si tu fais jingle à la main maintenant. Et c'est dur en mangeant, hein. Ouais, c'est dur. Bon, le président iranien, là... Je mange un mort. Moi, Ahmadinejad a appelé dans son prêche donc à la prière du vendredi à punir les chefs de l'opposition pour les troubles en fait ayant suivi sa réélection contestée à la présidentielle du 12 juin. Voilà, donc là maintenant il y a des manifestants dans la rue qui chantent Ahmadinejad. Ahmadinejad. Il éclate tout le monde. Ahmadinejad. Qu'est-ce que vous êtes con alors. Bon, puisqu'on évoque le décidément très sympathique Ahmadinejad, souvenez-vous, avant les vacances, on avait parlé d'un nouveau jeu vidéo, c'était GTA Dictature City. Alors évidemment, il s'agissait d'une grosse blague, mais parfois la parodie est très proche de la réalité. Alors écoutez la parodie et on en reparle juste après. Oh là là mec, j'y crois pas, regarde, c'est bon, on l'a eu, ça démarre. Oh putain, on a réussi, on l'a craqué, on est trop fort, sa merde. Bienvenue dans Dictator City, tu es prêt? Alors choisis ton dictateur parmi Poutine, Kadhafi et Ahmadinejad. Tu as pris Ahmadinejad, tu aimes le risque. Bienvenue à Téhéran. Choisis maintenant ton arme. Vas-y, prends le gun. Non, je vais prendre le couteau, t'es fou, je vais le défoncer à l'ancienne, comme ça je vais l'égorger le type. Mais vas-y, t'es con, prends le gun, arrête tes conneries, putain. Tu as pris le pistolet, bandiva. Level 1. Après avoir truqué ton élection, tu restes président de l'Iran. Mais le peuple est dans la rue. Il ne doit plus en rester un seul. Go. Oh, je vais tous les fumer, putain, je vais tous les fumer. Fais gaffe, il reste un manifestant derrière le mur. Tiens, bâtard, va. Bravo, tu as tué tous les manifestants. Tu peux choisir une nouvelle arme. Merde, tu fais quoi, là, mitraillette ou bazooka? Bah, mitraillette, l'efficacité, mon pote. Level 2. Tu dois maintenant utiliser tous les moyens pour empêcher les journalistes de diffuser les images du massacre. Go ! Merde, elle sert à rien la mitraillette, putain ! C'est pas grave, c'est pas grave. Tu sais quoi ? Bloque l'accès à la ville et t'as caniqué toutes les caméras. Ouais, ça va marcher, ça. Ok. Oh, attends, je sais. Je veux aussi diffuser des images de mecs contents dans le journal. Oh, c'est bon, ça, je vais tous les prendre pour des cons. Oh, mortel ! Bravo, tu as empêché le reste du monde de savoir ce qui se passe dans ton pays. Tu débloques l'arme nucléaire. Oh putain ! Oh putain, on y est, bordel, on y est ! On les a niqués ! Level 3. Grâce à la menace nucléaire, tu dois devenir le maître du monde. Go ! Et on fait quoi, là ? Ben, je sais pas, moi. Il ferait quoi, à Madine Jad, là ? Ah ben, cherche pas, hein, il fumerait tout le monde, lui, hein. C'est un ouf. Ah ouais ? Ok. Malheureusement, tu as exterminé le monde entier et tu n'as plus personne sur qui exercer ton pouvoir. Game over. Ah mec, c'est plus vrai que nature, quoi. C'est... Ah ouais, c'est clair, ouais. Et ce qui est hallucinant, en fait, c'est qu'on a trouvé un jeu sur PC hier. Alors, c'est surtout pour ça qu'on en parle, en fait. Ça s'appelle War Leaders et c'est exactement la même chose, en fait. Hein. J'ai la pochette ici à côté de moi. Un vrai jeu, alors. Ah ouais, ouais, ouais. Mais alors, c'est violent, en fait. Hein. C'est War Leaders Clash of Nations. Mais c'est ça qui est ouf, c'est que nous, on avait fait ça en rigolant. Bon, voilà. Le jeu existe. Et il y a même la tête d'Hitler dessus. C'est pour te dire à quel point les mecs... Regarde, il est là. Ouais, ah, il y a Staline aussi. Ah ouais, il y a Staline, il y a Hitler, il y a tous les malades. Et le but du jeu, c'est quoi ? Alors, donc, il est marqué donc incarner un des 7 grands chefs de guerre à la tête de votre nation. Prenez les décisions stratégiques majeures, diplomatiques, économiques, industrielles, puis commandez directement vos troupes sur le terrain. Revivez les événements historiques ou réécrivez le cours de l'histoire selon vos décisions. Toutes les options sont ouvertes. Un seul but, la victoire. Interdit au moins de 16 ans, heureusement. Ouais, c'est mieux. Hein. Ouais, ouais, déjà ouais, 16. Hein. Le but, c'est d'avoir la bombe nucléaire, quoi. Bah, comme lorsqu'on avait fait. Le but, c'est de tout faire péter, et puis voilà, quoi. Tant que t'es tout seul et que tu vas crever du cancer dans 2 jours, mais au moins tu seras tout seul et t'auras niqué tout le monde. Bah, vu que c'est à peu de choses près le scénario qu'on avait imaginé, moi je propose qu'on imagine le prochain jeu de guerre qui va cartonner. Ça risque d'être assez violent, hein. Ouais, bah non. C'est tout vu, avec la crise qu'on est en train de traverser, on est au bord de la seconde révolution française. Bon, allez, la bande-annonce du jeu est déjà prête, écoutez ça. La Révolution française 2, le retour des sans-culottes. Avec dans le rôle principal, les salariés de chez Renault, les petits épargnants, les pêcheurs, les infirmières, les chômeurs, les étudiants, les lycéens, les collégiens et même les maternelles. Vilain patron, l'horrible gouvernement et les ignobles traders. Toi aussi mène ta révolution pour un monde meilleur et pirate le compte en banque de Sarkozy. Trop peur. La Révolution française 2, le jeu qui va changer ta vie. En bonus, le petit Besancenot illustré et son manuel pour faire la révolution à vélo. Michael, le podcast. L'expression du jour. Alors, faut rappeler que l'année dernière, voilà, on faisait une expression par semaine, on la faisait traditionnellement le jeudi, et ouais, à chaque fois on oubliait de la faire le jeudi, on la faisait le vendredi. Et bah, c'est de nouveau arrivé, hein. Et c'est de nouveau arrivé. On a fait des expressions du genre marcher sur des œufs. Exactement. Qu'est-ce qu'on avait fait aussi? Tourner autour du pot. Casser du sucre sur son dos. Casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Tomber dans les pommes. Ouais. Ouais. Voilà, ouais, c'est ça. Globalement, on en a fait pendant 3 mois et on s'est dit, bon, ben, on est arrivé au bout. Et ben non, le roux a trouvé une expression supplémentaire et on compte sur vous d'ailleurs pour nous tenir au courant toute cette année. C'est quoi cette ceinture, Toff ? Il y en a encore d'autres. Hein. C'est Sandra qui me l'a offert. Ouais, belle, ah, c'était une à lui, alors. C'était une à elle ? Ouais, peut-être. On t'entend pas, Toff. C'est ridicule. Voilà. On dirait une ceinture de gonzesse. Ouais, mais en même temps, c'est pas en fait qu'elle l'a offert. En fait, c'est une ceinture de costume. C'est ça le truc. D'accord. Okay. Comme je mets jamais de costume, tu vois, pour lui faire plaisir, je la mets. Avec un micro, on dirait Big BD, Toff. Ouais. Merci. Eh, Toff, t'as un rencard ce soir, calbut Calvin Klein. J'ai des vrais calbuts, faut pas croire. Eh, par contre, t'as pas des vraies chaussures. Hein. Bah, elles étaient vraies il y a 20 ans. Ça, il faut faire des photos de ses chaussures. C'est des chaussures collector. Excusez-moi, je prends un baron. Ah, polo du polo chaud. C'était drôle. Bec baiser avec 99 flancs. Oh là là là là là. Bon, allez, l'expression du jour. Une idée originale du roux. Avoir froid dans le dos. Bon, alors le concept, donc, des glaçons dans un sac. C'est ça, Roux? Ouais. Très bien. Et Toff se couche donc sur le canapé, hein, voilà, c'est ça, le canapé du ouais. studio. Ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'il aura le doigt anesthésié, il sentira plus les crachats. Voilà. Et le Roux qui en profite, qui lui met une petite fessée par où ça fait du bien, hein. Allez, on y va, avoir froid dans le dos, Toff. Déjà là, j'ai froid au cul. Voilà. Donc en fait, on a pris des glaçons, c'est ça. Il y a combien de glaçons? Expliquez-nous. Je sais pas, il y a combien de glaçons, Roux, tu sais ou pas? Non mais à peu près. Genre, c'est... genre 100, 200, 300. Bah 2000, t'as vu la taille du glaçon? Ah ouais, c'est des 2000. Petites billes, ah ouais, de glaçons. C'est toutes petites, ouais. Ah oui, en fait, c'est froid. C'est des glaçons dans plastique. Non, c'est des mini glaçons. C'est des, je sais pas moi, c'est de la glace pilée. Ah. D'accord. Donc c'est des glaçons qui fondent, ils sont pas enrobés de plastique, ça je veux dire. Non, ils sont pas enrobés de plastique. D'accord, vas-y, ok, vous... très bien. Bon, donc allez, là, vas-y. Non mais vas-y, mets le truc direct. Non mais je m'en fous par de l'eau, ça. Ouais, c'est vrai, effectivement, ouais. Bon, voilà. Attention. C'est déjà froid. Mais non. Froid. On dirait qu'il est en train de niquer une meuf ou un animal. Arrête. Non, Toff. Arrête. Le ventre. C'est honteux. Sur le ventre. Vas-y, essaye toi. Vas-y. Je peux pas. Vas-y. Non, j'ai un rhume. Vas-y. Mais t'as pas de rhume, Roux. T'as la varicelle. Ah, tu sens? Ah, tu sens là? Tu marches comme un canard. Le Roux, il marche comme un... Pourquoi tu marches? Parce qu'il avance en fait, mais... Ça, il avance. Ah, bien comme c'est froid. Oui, c'est... Message chez Pablo pour voir. Non. Bah si, Pablo. Allergique au glaçon. C'est bon, ça va raffermir. Mais oui, c'est ça. Mets lui sur le bide. On va faire un petit palpé roulé. Il y a du boulot, hein. C'est logique. Il dit rien, ça va. Tu sens pas? Oui, bah oui. Je sens rien, moi. C'est ça. Il y a trop d'abdos. C'est ça, putain, pas dans le caleçon. Mais non, putain, il est con, celui-là. Hey, tu l'as mis? Non, j'ai mis que le sac plastique. Bon, je croyais que tu sentais rien, Pablo. Je sens rien. Ah, bon, bah très bien. Tu veux des petits chocolats? Oui. Ah, oui. Très bien. Un chocolat. Sensation. Un chocolat contre des glaçons. Contre des glaçons. Ok. D'accord, eh ben parfait. Parce que je suis capable de faire pour la bouffe. Ah, sur le ventre, voilà, sur le ventre ça fait plaisir. Sur le ventre ça fait plaisir. Voilà, c'est bien. Et ça l'excite, hein. Il est en train de malaxer la graisse de Pablo, là, le Roux. Ça l'excite, c'est pas mal. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Roux, là? Ah, ils veulent faire une connerie, ils veulent m'enlever le froc. Ah ouais, ils sont bêtes. C'est facile. Oh, vas-y, allez. Tiens, pense à un idiot pour faire ça. Ah, ça y est, il le fait quand même. Ah, il le fait volontairement alors. Faut pas le faire payer trop longtemps. Ah, mais non, chocolat en jeu. Avec les glaçons, il va être toute petite. Ah, ouais, bah, déjà que d'après les échos, elle est pas très grande. Y'a pas de trou dans le caleçon. Dans le jean. Si. Oh, non, tu peux mettre dans le jean. Tu veux que je mette tout? Pas d'allergie, ça va tomber. Pas d'allergie, c'est ça, après ça va être trempé. Bon, vous verrez les photos et la vidéo sur amical.fm de l'expression du jour, donc avoir froid dans le dos, et en l'occurrence avoir froid ou parti. Je le mets dans le jean. Non, arrête. Tu le mets dans le jean. Mets-lui dans le jean. Mais il fait chaud. Mais ouais, il fait chaud, Pablo, t'inquiète pas, va, tu risques rien. Ah, ça y est, mais combien là? Mais quelques-uns. Arrête, sérieux. Ouh, putain. Allez. Bon, allez, remets le pantalon. Allez, on remonte le pantalon maintenant. Ça devient indécent. Hop là, on remonte le jean. Ah non, arrête, c'est vraiment son rythme. Ah, putain. Mais tu sais que c'est positif parce que tu sais que les couilles elles sont dehors parce qu'elles aiment pas la mais chaleur. Je les sens plus mes couilles maintenant. Donc mais là, c'est parfait. Là elles seront bien là. Il danse, on dirait qu'il fait du breakdance. Ça coule, j'ai l'impression que je me suis pissé dessus. Bah c'est un peu ça hein. C'est non mais c'est bien comme ça, t'as l'air... Non, enlève pas. J'enlève la chaussure. Non, enlève pas les pompes. Sors. Allez, sors, casse-toi. Allez, casse-toi. Oh là, on dirait un vieux canard. Oh putain, Toff, il lui a remonté le calbut, bon, ça a tout fait tomber par terre. Quel con alors. C'est toujours Toff ça, il faut toujours qu'il fasse trop. Toujours le truc en trop. Là, je propose que Toff il mette sa tête dans le sac plastique. Ouais, pour faire ma clé. Oui, comme ça il va crever. Hein. Ah bah voilà une bonne idée. Ça c'est une bonne idée. Bon allez, on va enchaîner avec le chéri, je t'ai fait cocu maintenant. Et Stéphanie qui est là, salut à toi Steph. Ouais, salut Mika, salut toute l'équipe. Ouais. Comment vas-tu? Bah ça va. Bon bah tant mieux alors. Il y a Mélissa sur le chat qui dit déjà l'année dernière, il en avait pris plein la gueule le pauvre. Oh mais non, il aime bien. Alors, qui de Toff? Bah non, de Pablo je crois. Mmh. Ou de Toff. Mais dans les deux cas ils aiment bien. Bon Stéphanie, t'appelles de Metz, donc t'as passé une bonne journée? Oh bah oui, je viens de quitter le travail à 22h, ça ah va. Ah bon, tu fais quoi? Je travaille en station-service. Ah, ouais, bah forcément, ouais. Quelle station? Je peux donner le nom? Oui, on s'en fout, oui. Total. Ah oui, bah oui, en même temps, c'est tellement rare, tu sais, on vient de faire une grosse pub, là. C'est quoi, sur l'autoroute ou en dehors de la route? Enfin, en dehors de l'autoroute. En dehors de l'autoroute. D'accord, ok. Bon, bah très bien, écoute, pas de problème. Personne n'est parti sans payer? Ah bah si, j'en ai, hein. Ah, ça s'appelle la grivellerie, j'aime bien ce mot. Des petits cons en scooter, en plus. Ah bah ouais, c'est les petits cons. Ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des caméras, faut vraiment être teubé pour le faire, quoi. Oui, oui, j'avoue, ouais. J'avoue. Bon, moi, j'ai emprunté la voiture de Toff aujourd'hui, devinez ce qui m'est arrivé? Une couille. Non, j'ai failli tomber en panne d'essence. Normal. Ah bah oui, il savait qu'il te la prêtait. Mais non, justement, il le savait pas, c'est ça qui est fort, c'est que je ne comprends pas ce mec. Si, si. Ce mec roule toujours dans la réserve. En fait, je devais aller faire le plein quand tu m'as appelé, je me suis dit, bah non, si Mike l'apprend, je vais pas faire le plein. Trou du cul alors. Mais il fait tout le temps ça à toujours. Quand il lui prête une voiture, il te la ramène vide. Ouais, parce que je vais te la ramener vide aussi, hein. Non, je la ramène toujours avec ce qu'il y avait dedans. Non. Ouais. Non, parce qu'une voiture ne peut pas rouler vide. Non, tu mets toujours la même chose dans le réservoir. Alors ça. Je te jure. Enfin bon. Bref, tu passeras chez Stéphanie faire le plein la prochaine fois. Écoutez, ouais, avec plaisir. Oui. C'est où? À Metz. Ça fait un peu loin. C'est vrai que je vais niquer le plein pour aller le faire. Ça dépend comment elle t'accueille. C'est un autre problème, ça. D'ailleurs, combien mesures-tu? Mais oui, c'est une très très bonne idée. Combien mesures-tu, Stéphanie? 1m71. Combien pèses-tu? En trop. Ah oui, mais trop, ça fait combien en chiffres? Un gallon, quoi. Trop, ça fait 70, hein. Ah oui. Bon, ça va, ça dépend quelle taille, enfin. Oui, c'est ça. Quelle est la taille des pantalons que tu as acheté? Je précise, hein, j'ai accouché il y a 19 mois. Ah oui, bon bah très bien. Ouais, allez, bon. Hop, terminons la race. Malheureusement, ça fait loin pour un plein. Vraiment, ça aurait été avec plaisir, mais c'est quand même loin. Mais ça, je viens de me rappeler à distance. Finalement, voilà quoi. Ouais, bah en plus, si t'es mère, hein, évidemment, ça c'est un fleurier. Et puis ensuite, si tu appelles pour le chéri cocu, c'est que normalement, tu es un mec. Pas forcément. Bah, oui, ouais, aussi, non. Mais ça peut aussi vouloir dire que t'as envie de t'en débarrasser. C'est vrai. C'est non, possible. Non, bon. Écoute, on va l'appeler. Alors, comment ça va se passer, Steph? Tu veux le rendre dingue? Mais à quel niveau? Qu'est-ce que tu veux faire? Tout ça, dis-nous. En fait, je vais lui dire que j'ai rencontré quelqu'un à la station. Ah, oui, bah oui, très bien. Forcément, hein. Et ce serait bien que tu parles d'ailleurs, en fait. Ah oui, ça, bien sûr. C'est quoi, c'est le chef de la station? Non, un client. D'accord, donc tu t'es fait un client. Voilà. Oui. Vite fait dans les chiottes, quoi. Quelques chiottes. Voilà. Ah, t'as vu ça, hein. Putain, t'as vu un peu. Bon, eh ben écoute, on y va, on va l'appeler. T'es censé être où là? Tu viens de terminer le boulot, donc t'es avec moi à la station. Je suis ou... passé chez toi parce qu'en fait. Ouais, chez moi, c'est parfait. Ça fait un mois que je rentre et que j'arrive une heure avant le boulot, que je quitte une heure après. D'accord, très bien. Eh ben écoute, parfait, donc t'es chez moi. Impeccable. On y va, on l'appelle? On l'appelle. Allez, c'est parti. Ouais, parce que si on dit qu'on est à la station, le mec il arrive, il a peut-être foutu une allumette et puis on fait. Ouais, c'est clair. Donc, chez moi, ça va. Allez, on y va, on l'appelle. Et au plus il s'énerve, au plus t'as de chance de repartir avec des cadeaux. Hein. Putain, une station service, il y a deux jours, j'ai croisé deux mecs qui étaient en train de fumer chacun une clope. Quel bon. Ils la jettent par terre. Ouais, c'est moi. Je me suis chié dessus. Salut. Ça va? Bah ouais, et toi? Bah ouais. Et toi? T'as reçu mon message? Non. Bah si, tout à l'heure je t'envoyais un message en me disant que fallait que je te parle. Sur mon message? Non, bah si. Bah j'ai trop mon téléphone à côté de moi. Bah ouais, qu'est-ce que tu voulais me dire? Oh là là, quelle erreur. Je t'appelle pour te dire que je te trompe depuis un peu plus d'un mois. Ah ouais, direct. Comment ça? Qu'est-ce que tu me racontes là? Bah ouais, voilà, j'ai rencontré quelqu'un à la station et voilà quoi. Ça fait un mois et tu me le dis maintenant. Pour la semaine prochaine, casser les couilles. Ah oui, tu peux pas me dire un jour, hein. Ouais. On en a déjà parlé une fois. Si ça n'allait pas ou quoi, il y a moyen de parler quoi. Ah, elle a déjà trompé. Avant d'aller ailleurs. C'est pas la première fois, c'est une récidiviste. Ah oui, mais c'est arrivé comme ça, voilà. Ouais, c'est arrivé comme ça. Et c'est qui? Bah, c'est un client, hein. Bah non, tu connais pas, c'est un client de la station. Ah, c'est un client en plus. Bah ouais. Bah, ça change quelque chose. Ouais. Et t'as pensé à la gosse je sais pas. Non. Bah la gosse, de toute façon, je vais prendre avec moi, hein. Ah ouais. D'accord. Ouais. Bon, c'est fini là, Stéphanie? De quoi? C'est fini au téléphone là? Bah oui, je suis avec mon ex. Oui, bah j'ai bien vu, mais enfin bon, on va pas y passer la nuit. Hein. Bah oui, mais faut bien que je lui explique quand même. Hein. Oui, bah enfin, bah vite quoi. T'es encore à la station là? Non, je suis plus à la station. Non, je suis chez lui. Ah, t'es déjà chez lui là? Bah oui. Passe-le-moi lui. Ah, tu veux que je te le passe? Ouais, passe-le-moi. Bah ok. Bon, qu'est-ce qu'il veut? Ouais. Vous êtes un client de la station alors? Allô? Ouais. Ouais, faudrait peut-être qu'on se présente tous les deux. Bah vas-y, comment tu t'appelles? Vous savez que je suis le copain de Stéphanie. Ouais. C'est bien ça. Ouais. Voilà. Maintenant, on a un gosse ensemble. Faudra pas aller trop loin, je crois. Ouais. Je sais pas ce que vous faites ensemble, hein, mais c'est bon. Voilà quoi. Ouais. Donc maintenant, tu vas me dire où elle est exactement. Je vais venir la chercher, puis on va pas faire d'histoire. Hein. Ouais. D'accord. Ouais. Ouais, c'est pas trop de communication, toi. Hein. Ouais. Ouais. Bon allez, stop, et repasse-la moi là, parce que t'es un gros bebeu toi. Ouais. Ouais. Passe-la moi là, Stéphanie. Oui, je suis là. Ouais, c'est qui le mec là? Mais tu le connais pas? Bah, il sait pas parler ou quoi? Bah si, hein, tu... pas avec toi, mais avec moi il parle. Hein. Il a pas été avec moi. Ouais, c'est quoi ça? C'est quoi? Il peut pas bah, t'expliquer voilà. Là, je sais pas, il a rien mais à dire. Oui. C'est des choses ouais. De la vie, ça arrive. Ouais, que il... Bah il sait que t'es un mec, non? Il sait que t'es un gosse. Bah oui. Ouais, c'est encore un bien celui-là, c'est encore un bien. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il dit? Il est fou quoi? Ouais. Il m'insulte là? Mais non, il ouais, m'insulte bah, pas. C'est quoi? Bah, on va se donner rendez-vous, hein. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? On va se donner rendez-vous. Il dit qu'on va se donner rendez-vous. Pourquoi faire? Il veut parler. Bon, dis-lui rendez-vous dans 10 ans, place des grands hommes. Je vais t'expliquer les principes de la vie un peu, hein. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il va t'expliquer les principes de la vie. Attends, mais passe-le-moi. Vas-y, je te passe. Allô? Ouais. Ben, je vais t'expliquer quelques trucs, toi, hein. Ouais. On va se donner rendez-vous, là. Ouais. Hein, comme elle est chez toi, déjà. Ouais, quoi? On va se donner rencard. Ouais. Hein. Et puis on va parler. Ouais. Bon, ben, dis-moi où t'es, maintenant. Ouais. T'es où, là? Ouais. Ouais. Bon, ben, t'es quoi? T'es gelé, toi. T'es grave. Je place des grands hommes. Ouais, place des grands hommes, ouais. On se donne rendez-vous dans 10 ans? Ouais, je connais pas, mais c'est un peu place des grands hommes. Hein. Quoi? Ouais. Bah, de toute façon, je vais te retrouver, t'inquiète. Hein. Bah, okay. Tu vas me retrouver comment? Ouais, t'inquiète. T'as l'air un peu bête, hein. Ouais. Bah, non, mais toi, t'arrives pas à te dire ouais. On va en reparler. Mais tu vas reparler de quoi? Moi, j'ai autre chose à faire, ouais. Là, je suis avec une meuf ce soir, là. Qu'est-ce que je viens de parler avec un mec? Parce que déjà, moi, elle a ma bagnole, il faut qu'il me la rende. Ah, d'ailleurs, elle est bien, hein. Ouais, super, bah ouais. Enfin, j'ai pu faire un tour avec, je pensais que c'était la sienne, hein, désolé. C'est moi qui garde notre fille. Eh bah, c'est parfait, continue. Et toi, tu t'amuses avec ma copine, là. Oui, bah, enfin, on s'amuse tous les deux, hein. C'est-à-dire que je suis pas tout seul non plus dans l'histoire, hein. Ouais, mais je crois qu'on va se voir, on va s'amuser autrement tous les deux. Bah, écoute, personnellement, là, mets-toi à ma place, je suis avec une meuf, et je peux avoir un rendez-vous avec un mec. Qu'est-ce que je fais? Je reste avec la meuf ou pas? Ouais, non, mais je crois que toi, t'es pas bien dans ta tête, je crois, là. Bah, pourquoi? Ouais, bah mets-toi à ma place. Ouais, je préfère la mienne. Je préfère être avec une meuf que de garder la mioche. Hein. Voilà. C'est la mère de ma gosse, je crois que là t'as tout fou. Là, non, mais félicitations, hein. Non, mais franchement, bravo. Ouais, hein. Là t'es mal. Pourquoi? Ah, surtout, voilà. Tu vas me taper? On va parler avant. D'accord. Ah, bah c'est bien. C'est bien de parler avant quand même, cela dit. On va parler parce que tu vois, là je suis vraiment. Bon, énervé, c'est normal quoi, hein, tu me comprends. Ouais, bah je comprends, ouais. Voilà, bon, Xavier? Ah, tu sais comment je m'appelle? Ah, elle me l'a dit là. Ah, ouais. D'ailleurs, c'est pas terrible comme prénom, hein, si je peux me permettre. Ouais, bah, écoute, je vais un peu parler avec elle et on te rappelle pour voir, on va voir quelle décision on prend. Ouais, bah prends bien ta décision, hein, moi je serai toi. Hein. Bon, on va voir quelle décision on prend et on te rappelle. Dis-lui qu'elle rote avec sa fille, hein. Et puis on va voir quelle décision je prends. T'as pas l'air d'avoir compris. Non, c'est moi qui décide. T'as rien compris. On va voir quelle décision je prends et puis on verra. Ouais, d'accord. Bon, je te rappelle. Quoi? Tu crois que c'est un jouet, ma copine, quoi? Ah bah ouais. Tu vas prendre ta décision, tu crois quoi? Enfin, c'est pas un jouet. Elle me sert aussi à boire. Elle lave un peu chez moi. Non, c'est bien. Hein. Ah mais toi, attends, on va rigoler tous les deux. Hein. Bah bien. Écoute, si tu veux, t'as des blagues. Ouais. Non. On repasse la main, je parle même pas avec toi, parce que de toute façon... Écoute, je te rappelle pour prendre ma décision, d'accord? Ouais. Allez, à tout à l'heure. Hein. Ouais. Repasse la main. Ouais, je te rappelle. Voilà, hop là, très bien. Bon, on va le reprendre dans un petit instant. Michael, le podcast. Bon, je le rappelle, ok? Ouais. Allez, on y va. Je parle ou tu lui parles? Vas-y, dis-lui que je suis en train de réfléchir. D'accord. Pour voir la décision que je vais prendre. La bonne, bien sûr. Bien sûr. Allô? Ouais, c'est encore moi. Ouais. Bon, tu rentres. Bon, tu rentres. Non, mais en fait, il faut que je te dise aussi autre chose. C'est que, bah, au pieu, avec lui, ça n'a rien à voir, quoi. Tu plaisantes ou quoi? Tu fais quoi là? Tu rentres tout de suite? Arrête! Tu rentres tout de suite? Arrête! En plus, c'est le attends, la petite elle dort et tout. Ah non, mais c'est pas à toi que je parle, il est en train de me toucher les seins là. Ah mais c'est bon là, vas-y, si tu veux me faire. Tu fais quoi là? Tu cherches là? Bah quoi, je veux rien, voilà. Je m'en fous, je prends la petite, je fais le tour de Metz et je. Oh mais t'as pas autre chose à faire? Et toi là, et toi derrière là? Non mais c'est vrai. Ouais, t'as réfléchi depuis tout à l'heure. Non, il réfléchit encore. Ouais, je suis encore en train de réfléchir là. Ah ouais, bah moi je vais te dire, cette nuit là je vous retrouve. Hein. Bon écoute, tu sais quoi, Xavier? Quoi? J'ai bien réfléchi, je sais, il y a la petite au milieu et tout, ça se fait pas, là on est d'accord. Ouais, bah alors. Alors ce que je propose, c'est que ce soir, bah il y a Secret Story, regarde Secret Story, je m'occupe de ta meuf une dernière fois, demain je te la rends, ni vu ni connu, okay. Terminé, de hop, façon, on oublie. De toute façon, toi, à mon avis, tu vas mal tourner là, je te le dis. Ouais, je vais la retourner. Repasse à moi. Moi, c'est une proposition que je te fais, hein. Là, je te parlerai quand je te verrai, t'inquiète. Non mais tu veux pas alors? C'est une bonne proposition, je trouve. Hein. Non, moi je parle pas au téléphone, je te retrouverai, va. À prendre ou à laisser, hein. Ouais. T'as de la chance, là. Moi j'ai une gosse, je la garde là. Hein, t'as de la chance, je peux pas bouger comme ça. Tu vois? Ouais. Ouais, je sais. Repasse-moi Stéphanie là. Oh là là. Bon Steph, dis-lui, hein, on va pas y passer la nuit sinon. Ouais, c'est vrai, on va pas y passer la nuit. J'aimerais bien y passer la nuit, hein, mais. Ah bah c'est un bon coup, tranquille, c'est bien. Ouais, franchement, ouais. Ça s'est bien passé, ouais. Bon, Xavier. Elle t'a déjà trompé? Eh non. Ah c'est la première fois? Ah ouais, bah je crois que là franchement. Ouais, je parle même pas avec toi, allez, vas-y, pense à moi, là, j'ai un truc. Ouais, mais tu peux venir sur mon épaule, repose-toi sur mon épaule, vas-y. Ouais, allez, parle à papa. Ouais, t'inquiète pas. Bon, vas-y, passe-moi Stéphanie, là. Xavier. Passe-la moi, je te dis. T'énerve pas. Ah, c'est mais si tu lui dis pas aussi, c'est normal. Je vais lui dire, une seconde. Ouais, bon, c'est pas grave. Chaque chose en son temps. Elle t'a pas tout dit, il faudrait qu'elle te dise un truc sur moi aussi, tiens. Ah, parce que quand je vais te voir, ça va mal aller. Quand tu vas me péter la gueule? Non. Tout de suite, cette violence. J'ai déjà dit tout à l'heure, on va parler avant. Voilà. Tout de suite cette violence. Bon Xavier. Mais tu parles jamais avant, tu tapes d'abord. Les mecs comme toi qui sont pas corrects, toi, c'est bon. Allez, je suis correct là, je te propose un plan là. Vas-y. Bon. Moi je trompe pas ma copine moi. Xavier. On parle avant. Ouais. Xavier. Non mais déjà tu m'appelles pas Xavier, on se connaît pas. Ah oui mais enfin tu es Xavier, hein, j'ai quand même pas t'appeler, je t'appelle comment, Bertrand? Ouais non mais me parle même pas. Bah si justement, il faut que je t'annonce un truc. Et une bonne nouvelle. Ouais, c'est ça, ouais. Vas-y, repasse-moi Stéphanie. Tu veux pas que je t'annonce la bonne nouvelle? Non, j'en veux pas de tes bonnes nouvelles. Bon, je vais le faire quand même. Là, il a déjà une mauvaise, là, ce soir. Mais non, mais justement, je vais t'annoncer une bonne nouvelle, ça fera la balance comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, je te l'annonce, la bonne nouvelle. Tu veux me la passer ou pas, là? Bah, je te la passe, mais après, je t'annonce la bonne nouvelle. Non, bah, je veux pas ta bonne nouvelle, là. Mais tu vas être soulagé, tu vas voir. Bon. Là, c'est mal barré, là. C'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Énergie, c'était le chéri, je t'ai fait cocu, c'était un jeu. C'était un voilà, c'était un jeu. C'est encore une connerie ça. Une blague. Oui, c'est une connerie. C'est une blague, oui, c'est pour rire. Voilà. Tu te fous vraiment de ma gueule là toi. Mais non, mais c'est vrai. Ouais. Mais vraiment à la radio. Mais non, bon, mais dis-lui c'est vrai, Steph. Sur Énergie. c'est bien foutu de ta gueule là. Hein. C'était pour. Attends, elle a dit que vous aviez pas beaucoup de thunes et que ton rêve c'était un home cinéma. Bah, c'est quoi le délire? Oui ou non? Mais sérieusement, t'es sur Énergie, chérie. Ah, tu me rappelles chérie, là, c'est bon, c'est quoi ça? Mais t'es sur Énergie. Mais oui, elle t'a pas trompé. Vas-y, mais Énergie à la radio, je sais pas, c'est quelque chose. Oui, voilà, mais Énergie, merde. Tu verras, tu vas t'entendre. Mais Énergie, tu vas t'entendre. Quoi le délire? Mais Énergie. Mais la radio, voilà, mais tu vas la mettre ou pas? Comme ça, on sait si on l'attend. Ah, c'est bon. C'est bon, tu t'entends? Waouh, putain, qui c'est qui a poussé sur le bouton comme un malade là? Des enfoirés. Qui a fait de la merde sur mon bouton? Des enfoirés. C'est ma faute. Oh! Ah, mais c'est quoi tes blagues à la con là? Ah, oui, c'était une blague à la con, hein. Ah, franchement, les enfoirés. Ouais. Oui, bah écoute. Non, on n'est pas comme ça. C'est ça, on n'est pas comme ça, t'inquiète pas. Ça, il faut que tu vois avec Stéphanie, nous on n'y est pour rien. Voilà, ouais, voilà. On n'aurait jamais fait ça, nous, de notre plein gré. Bon. Bah oui, on sait, Xavier, mais c'est un peu le concept du jeu, cela dit. Bon, Xavier et Steph, on va vous filer un home cinéma, la nouvelle génération, le LG HT462, qu'on va vous envoyer très très vite. Ouais, 462, c'est le prix? Non, merci, c'est le modèle. Ah, parce que tu dis que tu l'avais acheté. Bon, bah de rien, Xavier, de rien, Stéphanie. Passez un bon week-end quand même. Merci, vous aussi. Bon, écoutez plus souvent Énergie maintenant. Ah, bah j'espère bien, ouais. Ça t'évitera de te faire avoir. Exactement, ouais. Eh, Steph. Salut, Ouais. Il va falloir te faire pardonner cette nuit, hein. Ouais, je crois aussi, ouais. Ouais. Ouais. Bon, enfin, Xavier, ce soir c'est open bar, hein. Tu demandes ce que tu veux. Ouais, je crois que là, elle va se rattraper, j'espère. Ça va être parfait, tu vas voir, ça va être parfait. Ouais, bon, ouais, allez, passez. Il y a intérêt, hein. Oui, bah, je compte sur toi, effectivement, ouais. C'est pas le soir pour être précoce, hein, je te le dis direct, hein. Bon. Allez, bonne nuit tous les deux. Merci, bonne nuit, bisous. Allez, gros bisous, ciao à vous, bye bye. Salut, bisous. Et si vous voulez faire un petit chéri, je t'ai fait cocu, on met le couvert la semaine prochaine, lundi, bien sûr, dès 21h. Il y aura le best-of animé par de nouveau. Dimanche, dès 21h, vous aurez aussi un petit chéri, je t'ai fait cocu qui va repasser comme ça, un des meilleurs, évidemment. Faudra être là dimanche, dès 21h. Et pour vous inscrire au chéri, je t'ai fait cocu, 612, débutez le message par Emickel et puis vous mettez chéri ou cocu avec votre numéro de téléphone ou sur emickel.fm. Allez, c'est parti. Le mag du jour maintenant, donc de l'actu condensée à notre sauce, on perd pas de temps et on démarre avec les titres. Une américaine de 11 ans enlevée le 10 juin 91 et dont le corps n'avait jamais été retrouvé s'est présenté mercredi dans un bureau de police de Californie après 19 ans d'absence. Une lueur d'espoir, hein, malgré tout, pour tous les parents d'enfants disparus. Ouais, il doit avoir encore bien grandi depuis le temps, hein, Jordi. Ah, n'empêche, j'espère que les disparus de Lost vont pas attendre 19 ans avant de rentrer chez eux, parce que là on est à la 6ème année, j'en ai déjà plein le cul. Bon, politique maintenant avec les universités d'été du PS à La Rochelle, donc, et cette information parue dans Le Parisien aujourd'hui en France. La première secrétaire du parti ne veut pas se contenter d'aborder les primaires et autres salades internes. Non, avant tout, Martine Aubry veut parler aux Français. Et ben, va d'abord falloir qu'elle enfile une tenue correcte. Et bon, à la demande des syndicats de la Société Générale, un audit a été mené sur les conditions de travail et de rémunération des traders. Le résultat est sans appel, les traders de la Société Générale s'estiment pas assez payés. Et c'est à peu près 3000 euros en moyenne quand même, faut le savoir, hein, sans compter les bonus qui peuvent tripler, voire quadrupler leur salaire. Pas mal, ouais. Ouais, ça va. Alors, sachant qu'un bon trader gagne en moyenne 175 000 euros par an, soit environ 15 000 euros par mois, j'aimerais bien voir l'avis des petits épargnants à qui ils ont niqué toutes les économies, comme ça, tu sais, juste pour voir. Ouais, ouais. Non, mais sinon, en fait, c'est juste que les traders de la Société Générale, en fait, ils sont pas bons, c'est tout. Ouais, ça doit être ça, ouais. Bon, un point sur le tirage au sort des poules de la Champions League maintenant. L'Olympique de Marseille affrontera notamment le Grand Milan de Ronaldinho et Gattuso aussi, hein. Et puis l'immense Real de Madrid de Cristiano Ronaldo et Kaka. Et on a Didier Deschamps en ligne pour une petite réaction en exclusivité. Bonsoir Didier. Bonsoir. Alors un petit mot sur ce tirage, pas facile facile Didier. Après réflexion et analyse de ma part, Et je sais pas, vous êtes content de jouer contre le Real Madrid? Ouais, j'imagine. Et le Milan, ça vous inspire quoi? Je suis pas... Ouais, allez, te casse pas, on a compris. Bon, merci Didier, merci à l'OM, n'y voyez aucun lien de cause à effet. On passe au con du jour. Alors Jack, après Winnie cherche sa queue, voici les bonbons fuckers, c'est bien ça? Ouais, ouais, enfin c'est à peu près ça, hein. Ça se passe en Angleterre, là où les enfants, pauvres enfants, mangent du pudding et du porridge à longueur de temps. Ah ouais, les pauvres. Ouais, bon, bah du coup, comme Simon Simpkins, père de deux jeunes bambins, lui c'est pas un bâtard, et du coup ouais. Il achète régulièrement des bonbons à ses enfants pour leur pour le passer le goût des fish and chips, hein, en fait. Ouais. Parmi ses friandises, les gamins adorent les Mawam de Haribo, là, vous voyez. Donc des bonbons aux fruits avec un look sympa, du moins en apparence. Hein, pourquoi l'apparence? Bah parce que si nous voyons sur l'emballage de somme petits citrons chamaillés avec des petites cerises, eh bah le petit Simon, lui, il a rien trouvé de mieux un jour que de les regarder de plus près, ces emballages. Ouais. Et bon, alors je sais pas s'il galérait devant la version anglaise de Derrick ou s'il était saoul, mais bon, est-ce qu'enfant il a vécu un traumatisme avec des citrons? On sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a carrément fait part de son dégoût à Haribo, considérant les illustrations comme à caractère pornographique. Bah oui, bien sûr. Oui. Bah ouais, en effet, pour le père de famille, le citron jaune et le citron vert sont fermement imbriqués l'un dans l'autre, dans ce qui ressemble à une rencontre charnelle. Ah, c'est vrai que les citrons, ils ont l'air de bien se kiffer en même temps, hein. D'ailleurs, si vous voulez vous faire une idée, on a mis sur amical.fm les photos des emballages, hein. Voilà. Alors, comme ça, vous pourrez nous dire si vous êtes d'accord avec la suite de son interprétation, puisqu'il pense que le citron vert représente l'homme dans cet accouplement, et il trouve qu'il a une expression particulièrement sinistre sur le visage. Alors, que les choses soient claires, hein, donc c'est pour les enfants qui nous écoutent, les bonbons, c'est vrai, ça donne des caries. Mais la drogue, ça rend parano. Et encore, il n'a pas évoqué l'emballage où le citron vert suce une paire de cerises. Hein. C'est vrai en plus. Hein. C'est chaud quand même. Non, mais attention, c'est vrai quand même, effectivement. Alors pour info, Haribo a réagi en expliquant que l'emballage jugé amusant avait été présenté en Allemagne il y a 7 ans et qu'il était depuis très populaire. Ah bah voilà, si les Allemands l'ont validé. Ouais, on rappelle quand même aux dirigeants d'Haribo qui sont considérés les Allemands comme une référence que ces gens-là font la fête de la bière, mettent des salopettes marron et portent leurs sandales avec des chaussettes. Hein. C'est vrai. Alors pour vous, le con du jour, c'est le papa qui voit du porno partout ou bien Haribo qui est allé trop loin en dessinant des citrons qui bouffent le cul des cerises. C'est papa, sachant qu'on n'a pas vu les photos, donc. Oui, c'est vrai, effectivement. C'est vrai, ouais, c'est qu'on vrai. Aime bien Haribo, nous, ici. Oui. Ah oui, c'est Haribo, vrai, c'est bien. Beau la vie. Oui, voilà. Pour les grands et les petits. On passe au sport maintenant et on fait un rapide retour sur le tirage au sort. Toujours, bien sûr, le groupe du PSG, hein, mais passé complètement inaperçu. Ça donne quoi, là? Non, mais ça va, il joue pas à la Champions League. Ah merde, oui, pardon, c'est l'Europa League, c'est ça, hein? Non plus. Ah, bah c'est quand le tirage au sort de la Coupe de la Ligue? Lundi. Ah bah voilà, faut juste être patient, vous, hein. Ça va bien se passer. Bon, et puis le rugby français est décimé par la grippe A après 3 joueurs au Stade français, 1 à Bayonne, 7 nouveaux joueurs appartenant tous au club de Castres en fait ont été touchés eux aussi par le virus. Alors ce qui est chelou, c'est qu'on dirait qu'il n'y a que le rugby qui est touché. Eh oui, les dieux du stade, il va falloir arrêter la douche collective maintenant. C'est ça, ouais. Bon, on continue notre page rugby et grippe A avec le club de Castres donc, très sévèrement touché et même contraint à repousser ses deux prochains matchs. C'est un vrai casse-tête pour la Ligue Nationale de Rugby qui doit retoucher tout son calendrier. Il reste d'ailleurs quelques places disponibles pour le match Perpignan-Stade Toulousain. Non ? Oui, non. Non ? Ça va pour moi. D'accord, ok. Allez, c'est fini pour le sport. On passe au bureau de vérification des horoscopes. Je vous rappelle le principe. Chaque jour, on chope un horoscope donné le matin même dans la presse ou à la radio et on vérifie si on nous a pris pour des cons. Au crible aujourd'hui, l'horoscope du journal 20 minutes. On débute avec les lions. C'est Roux qui est lion ici? Ouais. Alors attention, tu vas nous dire si c'est vrai ou pas. Vous avez la réputation d'être la personne la plus facile à vivre de la Terre. Vous ne direz pas le contraire. Tout à fait, je ne dirai rien. Ce mytho alors. Oh là là là là. Alors si c'est toi qui l'as écrit l'horoscope de Valence. Oui, c'est ça, ouais. Oh, ce mytho. Quelle horreur, laisse tomber. Bon, on balance maintenant, c'est pour Toff. Oui, vas-y. Vous n'êtes pas au meilleur de votre beauté, ayez confiance en vous. Vous êtes sollicité de partout. Ouais, je vous l'avais dit, c'est de la merde cet horoscope. Hein. C'est vraiment pour Rave. Hein. Pour une fois qu'il dit que t'es sollicité de partout. Oui, mais qui n'est pas au top de la beauté. Hein. Ah mais ça. Alors ça c'est le mot qu'on puisse dire. Effectivement, il n'est alors, pas. Alors évidemment, top de la tu parles pas du bélier. Ah t'es bélier, oui. Hein. Bien sûr, je suis bélier. Alors, oui, tout à les fait. Béliers, vous avez un sale caractère, vous n'êtes jamais content et vous râlez contre tout le monde. Calmez-vous. Ah mais si, en fait, ça dit bien, ça dit bien. C'est bravo, 20 minutes. C'est pas vrai du tout. Ah ouais. si, c'est vrai. En fait, il y avait bon, sur le roux et moi, qu'il y avait une erreur, mais après, bélier, c'était c'est bien. Vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Bon, cette édition touche à sa fin. Terminons en beauté avec le quiz du jour. Qui a dit Oasis a peur de nous? Madness, les Beatles ou Banga? Banga. Ah non, bah ça doit être Beatles. Les Beatles. Madness. Madness. Enfin, le reste des Beatles. Ouais, Jack. Madness, tu changes. Banga. Je vais changer moi. Eh bien Madness, c'est une bonne réponse. Ah, ça va être mauvais. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui a dit à deux, on est plus fort? Sophie Marceau et Christophe Lambert, oui, Ellie et Dieudonné ou Tom et Jerry? Moi je pense que c'est Christophe Lambert, deux Sophie Marceau et Christophe Lambert. Alors? Ouais, c'est Christophe Lambert. Christophe Lambert, oui, Sophie Marceau et Christophe Lambert, bonne réponse. Qui a dit cette poule, je l'adore? Jean-Claude Dacier, président de l'OM au sujet du tirage au sort de la Champions League. Silvio Berlusconi, président du conseil italien au sujet d'une jeune fille de 16 ans croisée dans la rue. Ou José Bové, président des agriculteurs en colère au sujet d'une vraie poule. C'est Jean-Claude Dacier qui a sorti Dacier, ça. Ouais. Dacier? Ouais. Tout le monde est d'accord là-dessus? Ouais, moi j'aurais bien dit Silvio Berlusconi quand même. Non, c'est Dacier. Effectivement, bonne réponse. Ouais, mais c'est du foot le Rouille, ça. Pas mal, ouais, c'est ça. Non, alors, mais c'est bien de sa part. C'est vrai. Ouais, ça prouve qu'il connaît pas le foot, quoi. Bon, on s'en est maintenant terminé de ce Mac du jour. Notre Mac du jour, un autre jour, en l'occurrence, Ali. Mickaël, le podcast. Allez, P-O-L-O show. Je vais te bouffer le je vais te lécher la je vais te. Minuit 13, minuit 15. Je t'attrape et je fais des chaussures. Tu es chaud, je suis chaud, ne nous refroidissons pas. Polo, polo, sur énergie. C'est le polo show avec Toc Gineco. Polo show. Bienvenue dans le Polo Show, j'espère que tout le monde va bien, le public est là. Bravo Polo, bravo. Voilà, un public sérieux aujourd'hui, un public en costume cravate. Y a un cadeau à gagner, ça s'appelle War Leader. C'est envoyer des SMS. C'est un jeu, voilà, envoyez des SMS à... Vous faites WL, c'est-à-dire War Leader, et c'est un... Enfin, c'est un cadeau, voilà, c'est un jeu vidéo sur PC, n'hésitez surtout pas. C'est dans le Polo Show, c'est maintenant, et c'est avec Polo. Et je suis très content d'arriver à la fin de semaine, mais parce que qui dit fin de semaine dit week-end, et qui dit week-end dit fin de semaine, hein. Et surtout le plus important, c'est de plus voir la sale gueule des gens en fait. Non mais c'est vrai, les gens sont contents parce qu'ils vont aller bronzer, parce qu'ils vont aller se promener en famille, parce qu'ils vont manger le poulet le dimanche chez mes mères, hein. Ou alors ils vont en Normandie pour passer un week-end pourri, mais ils vont être heureux de le dire. Et ouais, moi je m'en fous tout ça, tu vois. Moi ce qui me fait plaisir, c'est de plus voir la gueule des gens, tu vois. Parce que les gens ils sont chiants, ils parlent que d'eux et de leurs problèmes. Et moi en fait j'en ai absolument rien à foutre de leurs problèmes. Tu comprends mon public? Parce que tu es en train de hocher, de opiner du chef comme ça. Et est-ce que je vous en parle moi de mes problèmes? Hein? Mes problèmes de sous, mes problèmes d'amour, mes problèmes. Tu vois, tu t'en fous. Alors pourquoi vous me faites chier avec vos problèmes? Pourquoi? Hein? Donc je vais profiter de ce week-end pour me reposer et de plus faire semblant d'écouter les gens et leurs conneries. Voilà. J'espère que ça a été clair. Qui est là? Allô? Ouais. Oh putain, Jean-Michel, supporter de l'Olympique des Mauvais et auditeur du Polo Show. Bon, je t'écoute Jean-Michel, supporter de l'Olympique des Mauvais et supporter du Polo Show. Enfin, ça ouais, va être au contraire. C'est pour discuter, tu vois, on discute. On discute tous les deux. Ouais. Tu as vu le groupe? Le groupe de quoi? Oh putain, le groupe. Quel groupe? Oh putain. Quel groupe? Le groupe de l'OM à la tirage des champions. Non, j'ai pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce groupe de l'OM de la tirage des champions? Oh, tu as pas vu? Non, j'ai pas vu. Putain, tu as pas vu? Non, j'ai... Les clubs, tu as pas vu les clubs? Non, j'ai pas vu. Écoute, bon, soit tu discutes, qu'est-ce que tu veux? Oh mais c'est pour discuter, on discute. Non, on n'est pas là pour discuter, tu crois qu'on a 3 heures comme ça? Oh, attends, on discute, on est là. Bon, on alors tu... Vite. Oh allô putain, t'as discuté. Bon allez, casse-toi. Un petit peu de pub et on se retrouve juste après. Il y a du bonjour, oui, du bonjour. Ces derniers temps la vie est plus chère. C'est pourquoi nous les Finlandais, on a inventé le fait de travailler plus pour gagner plus. Voilà, ça oui. Nous rafraîchit le portefeuille et ça dégage le compte en banque. Et qui c'est qui l'a inventé? Je crois c'est le François. Et qui exactement? Nicolas. Nicolas, il pense à votre argent. Il invente des réformes de tarés et il est président de la France, naturellement. Nicolas! Energy. You're listening to Polo Show. De minuit 13 à minuit 15. Polo. This is Polo Show. Et sur Energy. Et bientôt des opossums à gagner dans le Polo Show. Ouais. C'est vrai, rigole, mais pas comme ça en rigolant. Tu rigoles, mais c'est toi qui vas les donner les opossums. Les mettre dans l'enveloppe et tout. Parce que j'ai un standardiste là, Jean-Luc là, il fait le malin là, il vient des Antilles et tout. Bon, le supporter de l'OM là. Oh putain! Bon, tu conclus là ou je te vire comme un malpropre? Mais on discute quand même! Non, on discute pas, conclus! Un! Le Milan AC! Allez, un! Le Real Madrid! Ouais! Et Zurich! Bah c'est parfait! Eh, la Suisse! Vous allez perdre! Vous allez perdre! C'est Marseillais, hein. Bon, tu dégages! Tu as entendu, connard? Oui, j'ai entendu! La Suisse! Allez, casse-toi! Qui est là? Oui, bonjour, monsieur Dupont-Lochon! Bonjour! Jean-Marc Dublaire à l'appareil! Bonjour, monsieur Dublaire! Ouais, bonjour Polo. Ouais. Moi, je suis directeur de la DAS en France. Ouais. Oui, j'appelle parce que j'ai entendu dans la semaine, vous avez parlé d'Amy Winehouse. Oui, ouais, il y a longtemps, oui. Oui, c'était dans la semaine. Mais oui, bon, je suis overbooké, vous savez, j'ai pas le temps d'appeler le soir même. Bon, hein, monsieur Dublaire, qu'est-ce qui se passe? Bon, je voulais dire que moi, personnellement, je n'étais pas du tout contre le fait qu'elle ait des enfants, cette femme-là. Tiens, c'est... Vous allez contre l'opinion générale. Oui, je suis pour, vous savez, parce que pourquoi? Je suis sûr qu'elle pourra bien s'occuper de ses enfants. Ah bon? Surtout les jours de maladie, parce qu'elle doit avoir un bon stock de cachets et de seringues à la maison. Ça, c'est sûr. Monsieur Dublaire. Voilà, bon, oui. Bon, oui, je vous écoute, allez-y. Effrayé, hein, j'ai donné mon argument. Bon, quel est votre argument contre à vous? Je n'ai aucun argument, moi, monsieur Dublaire. Moi, je suis là pour gérer le trafic d'auditeurs. Voilà. Vous êtes là, vous faites de la radio, oh, vous parlez ouais. du week-end, mais vous n'avez pas d'avis. Bon, monsieur Dublaire, ça suffit là. Bon, vous avez donné votre avis, vous êtes heureux? Vous êtes heureux? Oui, je suis content. Bon, alors, cassez-vous. Il faut que la France sache. Vous repartez avec un opossum. C'est vrai, je suis super content. Voilà. Moi, justement, je disais à ma femme, pas plus tard qu'hier soir, chérie, tu sais ce qui manque dans cette maison? Un opossum. Et ben voilà, c'est fait. Vous repartez avec un opossum, monsieur Dublaire. Ouais, ouais, je suis très content. Merci, Polo, du poisson. Bah non, rien. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Qui est là? Oui, Polo, c'est Sabrina de Secret Story. Ouais. T'as vu, je viens de me faire larguer par mon mec. Putain, je suis dégoûtée. Tout ça, j'ai couché avec John. Moi, je vais bien t'éclater. Hein. Enfin, ah bah, t'éclater écoute, au sens veux, d'éclatage. Hein. Se dit d'une personne qui prend une autre personne et il se et finit c'est dedans. Parti, hein. Ouais. Et en plus, t'as vu John ce qu'il fait? Il est encore pire que toi. Il sniffe les strings de Cindy, attends. Oh, c'est dégueulasse. Et attends, je me suis fait nominer par un télétobie. T'as oh vu là la tête là, quelle horreur. Quelle horreur. Mais qu'est-ce qui se passe dans Secret Story? Je suis parti 2 mois en vacances et puis ça y est, c'est la Lali, c'est l'orgie, c'est Byzance, c'est Babylone, c'est quoi encore? Hein? Ah bah on c'est Las Vegas, Polo, c'est Dubaï, hein. C'est quoi, quoi? Hein? Et c'est quoi? C'est la charcuterie? C'est quoi? On va manger du cochon tous un jour? Hein? Ouais, surtout toi. Hein? On va mourir étouffé dans du cochon? Hein? Ah bah ouais. Bon, toi tu repars avec un opossum aussi, t'es heureuse? Ah super, je suis trop allez, ravie, c'est gagné, casse-toi d'ici. Qui est là? Oui, monsieur Polo? Oui, je vous écoute, oui, monsieur. Oui, Marcel, illustrateur d'émission radio. Voilà. En fait, je vous appelle parce que c'est très à la mode en ce moment d'avoir un orchestre. Hein. Ah oui. Mais j'ai cru comprendre que vous n'aviez pas beaucoup de budget, donc non, je vous propose. Hein, Marcel Marcel. Oh là là, il faut qu'il parte. Marcel. Oui, monsieur Polo. Bon, tu es où géographiquement sur la planète? Géographiquement, je suis dans le Val-de-Marne. Hein. Parfait, bon, tu fais quoi? Du bal musette, des conneries comme ça? Non, pas du tout. Je suis donc homme orchestre pour émission de radio minable. Ah, hein. Et alors, pour vous, pour un petit supplément, je peux également rire à toutes les vannes que vous allez faire, hein, même les plus pourries. Vous avez déjà du boulot? Non, malheureusement, non. Hein. Non pour le moment, je fais les anniversaires, bar mitzvah, les anniversaires, communion, mariage, ouais, moi aussi, je vais souvent dans les anniversaires. Et autres fêtes à la con. Hein. Bon, Marcel, faites-moi un extrait, là. C'est-à-dire, ah, je faites-moi kiffer, faites-moi bander, faites-moi jouir. Non, malheureusement, je n'ai pas mon équipement sous la main, il me faut à peu près une demi-heure pour m'équiper. Marcel, hein, tu venais là pour le casting et toi, tu te dégonfles comme une merde. Non, mais si vous voulez, je peux venir avec mon équipement complet. Mais d'accord, bah on fait ça. Comptez qu'il me faut quand même une demi-heure pour m'habiller puisque je fais tous les instruments moi-même à la bouche. Hein. D'accord, bah on fait ça la semaine prochaine. Eh bien, très très bien, je serai là. Hein. Allez, casse-toi, Marcel. Oui, bonne soirée, au revoir. Allez, au revoir, il me dit bonne soirée et tout. Qui est là, le dernier auditeur du Polo Show? Oui, bonjour, bonsoir, Polo. Bonsoir. Jean-Louis. Qu'est-ce que tu veux, Jean-Louis? Vous pouvez faire un débrief de ton émission, Polo. Et qui es-tu pour t'octroyer ce rôle? Je suis ton ancienne pige, Polo. Mon quoi? Ton ancienne pige. Je suis hanté par la pige. Bon, vas-y, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut virer d'urgence le rédacteur en chef. C'est trop long, Polo. C'est trop long. C'est vrai? D'accord. Ton intro veut rien dire, Polo, elle est trop longue. D'accord, c'est noté. Je t'ai déjà dit que t'étais toi la star. Tu fais les sèches comme des merdes. D'accord. Tu te fais respecter. Par contre, la prochaine fois que tu parles à l'auditeur 3 comme tu as parlé, tu as dit que t'allais la fracasser. L'éclater, la fracasser comme il se doit. Et tu sais qui tu parlais, Polo, pour t'exprimer ainsi? Non. Je serais toi, Polo. Très attention. Moi je parle à Sabrina de Secret Story. Je peux vite te retrouver sur net, Polo. Je parlais à Sabrina de Secret Story, moi. Ouais, bah fais attention. Je savais pas, moi, si on prévient pas. Parce que si tu veux l'éclater, tu retournes à Bruxelles dans l'hôtel. Bon, Jean-Louis, faut conclure là. Polo, ça pousse? Ça pousse. Eh ben, je vais te dire, Polo. Ouais. Au bout d'une semaine. Ouais. Ça a été plus mauvais qu'en 5 ans. Eh ben merci Jean-Louis, allez, on y va. Ah, Jean-Louis Polo. Tu repars avec un opossum, flamblant neuf. Flamblant neuf. Polo. T'es heureux au moins? Ouais. Les cheveux blancs en face, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Rien, il est là, tel un prêtre en train de... Bah, j'aimerais bien y aller moi, mais j'attends là. Jean-Louis, on y va. En tout cas, ça me fait plaisir que vous jouez PZK tous les soirs. Ouais, allez. On va le remettre là, tiens. Allez. Ciao. Polo. Ciao. Polo. Jean-Louis, casse-moi. Polo. Allez, file. Polo. Phil. Polo. La semaine prochaine pour aucune le débrief. Aucune autorité. Allez, un CHM le Polo Show, merci à ceux qui ont écouté. Garde patience. Ah non, le Polo Show va bientôt se terminer. H-5 secondes. Voilà. Très bien, fin du Polo Show. Voilà, il s'achève comme de bonne aloi, comme une bonne semaine bien passée, bien tassée dans un Polo Show. Oh, en couleur et voilà, je suis heureux, je vous remercie, au revoir. Et rendez-vous dimanche avec deux nouveaux animateurs pour le Polo Show, pour le best-of de Mickaël. Ouais, c'est Dublair et Dublair. C'est comme Dupont et Dupont, Dublair T et Dublair D. Ah. Ou Dublair avec un R et Dublair avec deux R. Franchement, allez-y, écoutez-le, ça va être génial, C'est-à-dire qu'on n'a pas vu ça depuis les années 80. Quoi. C'est de la grande radio. Bon, vous nous direz, dimanche soir, 21h minuit, le best-of des Mickaël, le best-of de l'émission, animé par deux nouveaux animateurs. J'attends vos critiques ou vos compliments, bien entendu. Voilà, je compte sur vous, hein, bien évidemment. Mickaël, tous les soirs, 21h minuit, sur Énergie. Et l'intégrale, en podcast, sur énergie.fr.